Vous allez retrouver tout de suite Mickaël Nos Limites sur Fun Radio. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. En pleine forme. Bon, et de toute façon, fais pas ton cinéma. On sait bien que tout le monde est là pour Cariba. Oh, merci. Ouais, ah oui, non, mais il y a un moment, c'est vrai. Merci Mickaël. Mais je t'en prie, écoute. J'aimerais bien rejoindre ton équipe. Eh ben, tu peux venir justement, Sandro est malade, donc tu peux venir nous rejoindre. Non, ça va pas ou quoi? Attends, Karima, elle est dans mon équipe. Voilà, Karel, je te l'échange avec Toff ou Polo, tu peux choisir. Que dalle. Non, les deux, je te mets les deux. Non plus. Oh, t'as vu, tu sais pas ce que tu perds. Je te file le doc si tu veux. Oui, très bien, c'est une bonne idée. Allez, bonne émission, amusez-vous bien, les gars. Allez, bon week-end à vous, et puis rencard lundi à partir de 20h. Et puis, bah, nous, c'est parti, là, 23h tout pile. C'est parti pour Mickaël Nos Limites jusqu'à 2h. Salut! Ciao! Mickaël Nos Limites, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Yes, on est là en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, ben, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là, c'est déjà la dernière de la semaine. Et oui, rassurez-vous, on sera de retour dès dimanche à partir de 20h évidemment. Alors pour les nouveaux auditeurs là qui découvrent l'émission, là, on se retrouve là, tous les dimanches dès 20h et puis du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. D'ailleurs, je me présente. À moi, c'est Mickaël. Normalement, il y a Sandro qui est au standard. Ouais. Bon là, on a dû l'échanger par Alex hein, qui est là. Salut tout le monde. Stagiaire de son état. Voilà, Sandro est malade. Salut, ça va? Je suis fatigué, ça va pas. Bon, donc du coup voilà, il est avec nous ce soir et puis Sandro sera de retour en théorie dès dimanche. Elle était malade. Quoi que je me demande quand même si elle se fout pas un peu de notre gueule. Elle se ferait pas un long week-end. Ouais, parce qu'un jeudi soir, comme par hasard, être malade. Mm-hmm. Hein, bizarre. Étonnant, effectivement. Ouais. Ouais, ça me paraît un petit peu chelou tout ça, mais nous allons enquêter. Rassurez-vous. Si jamais vous avez vu Sandro quelque part, n'hésitez pas à balancer, bien évidemment. Hein, je prendrai toutes ces informations au sérieux et je pourrai vous offrir un cadeau en échange d'informations, oui, de bonnes informations. Si vos informations peuvent faire avancer l'enquête. Exactement, voilà, hashtag Mickaël sur Twitter, évidemment, n'hésitez pas. Bon, alors du coup, si vous voulez appeler Alex ce soir, donc c'est facile, hein, normal, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard, allez-y, profitez-en, ça fonctionne bien entendu. Pour la Belgique, 02 851 4x0 pour parler de ce que vous voulez. Ce soir, il y a aussi, évidemment, Toff, hein, le French loser, hein, c'est un peu comme un French lover, mais qui pécho jamais, quoi. Ah. C'est un peu ça finalement. Hein. Oui. Voilà, mais c'est ça. Je n'osais pas le dire. Mais Non, mais n'ose pas. D'ailleurs, il y a Mélanie, l'auditrice d'hier, qui est avec nous. Là. Comment ça va? C'est vrai. Ça va, bonsoir. Bon, ça va, Toff, te fais pas peur? Non, ça va. Ouais, en plus, c'est moi qui suis allé la chercher. Donc, ouais, mais justement, t'imagines un peu, c'est le premier truc qu'elle a vu de fun, dis donc. Ouais, j'ai essayé de... Oh merde, c'est ça, Fun Radio. Oh, putain, c'est dur. J'ai essayé de la galocher dans l'ascenseur, j'ai été con. Ça a pas marché. Pourtant, l'ascenseur est petit. Hein. Mais on était proches, on était collés. Je me suis dit, c'est le moment, je peux pas rater. Bah, c'est ça. Et puis, il a raté son coup, si tu veux, sur les choses. C'est vraiment minable. Bon, et puis sinon, il y a Polo justement là, ouais, qui est là, le joueur de Pipo. Je suis là. Voilà. Grand talent de Pipo, ouais, d'ailleurs, justement. Hein. J'ai eu rendez-vous d'ailleurs avec un patron de radio aujourd'hui. C'est du chêne fileté. Et rose. Et en plus, qui plus est, il y a la photo qui est toujours sur le Facebook. Hein. Ouais. Vous pouvez aller voir facebook.com/Mickaël officiel. J'ai eu un rendez-vous tout à l'heure avec une autre radio, avec un patron d'une autre radio pour le Pipo. Là. Ouais. On n'est pas encore arrivé, on n'est pas tombé d'accord encore sur le montant. Mais bon, là, vous avez été nombreux, vous avez été plus de 1000 hier sur le Facebook là pour me dire de ne pas vendre le Pipo. Donc je pense que nous garderons le Pipo. Mais on verra, je me donne le week-end pour réfléchir, voilà, tout simplement. Bon, et puis hier soir on avait commencé à parler des films, là, je sais pas si vous vous souvenez, des films qu'il faut absolument avoir vus dans sa vie, parce que bah, ouais, s'il y a 50 ans tu les as pas vus, c'est que t'as raté ta vie en fait, en gros. Hein. Non mais c'est vrai, grosso modo c'est ça. Donc venez nous dire le titre de votre film préféré par exemple. Alors sur Twitter et sur Facebook, j'ai déjà mis le post tout à l'heure, vous êtes déjà nombreux à avoir donné votre avis à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt bien, vous êtes déjà plus de 300 à avoir donné votre avis, donc on va lire ça évidemment tout à l'heure, bien entendu. Moi j'ai la liste des 10 films qu'il faut absolument voir, donc on verra si vous êtes d'accord avec ce classement. Toff, tu regardes toi toi en premier chez une fille? Par exemple la Mélanie, tu l'as vu ce soir, la Mélanie l'auditrice d'hier soir, qui est avec nous dans les studios ce soir. Elle était de dos, donc je vais dire la vérité, ses fesses. Ah. Bon, appelez-nous là pour nous dire ce que vous avez regardé en premier, enfin ce que vous regardez en premier chez un mec ou chez une fille. Alors pas la peine de me dire les yeux, le visage, blablabla. Je vais pas vous croire. Hein. Donc venez me dire la vérité, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0, parce qu'on est tombé sur une enquête justement qui parle de ce qu'on regarde en premier chez un garçon ou chez une fille, mm-hmm, au premier rendez-vous. Et puis hier soir, si vous n'étiez pas là, vous avez raté les appels de Toff hein, pour essayer d'aider les gens à ne pas ronfler. Et nous sommes, on a vraiment été bien accueillis quoi. C'est... Bon, tu veux un autre remède, enfin infaillible. Tu raccroches le téléphone et si tu rappelles, je te retrouve et je te nique ta race. Voilà, donc c'est quand même très sympathique. Alors, sympa. On s'est dit, on va rappeler quoi. Ferme ta gueule, connard. Voilà, donc et après, on s'est dit, on va encore une fois rappeler. Va te faire enculer maintenant. Okay, voilà. Et rappelle pas, d'accord. Bon, bah écoute, bah si on va rappeler ce soir justement, peut-être pas chez le même, mais on a encore une autre idée là pour les appels. Donc ce soir, hein, c'est une histoire de Batman. Voilà, je vous explique ça évidemment tout à l'heure. Et si vous avez des idées hein, pour qu'on puisse appeler les gens pour leur poser des questions, n'hésitez pas à partager, à faire tourner bien évidemment. Donc si vous voulez participer, eh bien on vous attend nombreux et nombreuses jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, comme je le disais, 02 851 4x0. Et avant de donner la suite évidemment... Voilà, évidemment, c'est toujours Polo qui est évidemment au standard, bien entendu. Et puis on fait un tour du côté du standard, au pipeau, pardon. Ouais, je suis au pipeau. Et... Il est au pipeau. Et on fait un tour du côté du standard maintenant. Il y a Gis qui est avec nous, là, de Crémieux. Salut Gis. Salut. Comment Salut. Ça va? Bah, ça va, bien tranquille. Bon, bah, très bien. Bonjour. Tiens, on avait un truc à dire, c'était l'auditeur d'hier soir. Ferme ta gueule, escolard. Voilà, c'était... Écoute, nous c'est les gens qu'on a eu là, ils nous ont dit ça en pleine tronche, donc on ouais. dit pareil. Gis, on parle de quoi? Tu les appelles pourquoi ce soir? Eh ben, j'aimerais bien faire un câlin à mon pote, à mon meilleur pote en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en gros? Eh ben, en fait, il est avec sa meuf depuis 4 mois et j'ai couché avec récemment. Ah fort, mais en vrai ou tu veux lui faire la vanne? Non, mais en vrai, ouais. C'est pas un canular alors. Canular, en fait. D'accord, non, ok. En fait, carrément, quoi. Enfin, je lui avoue, quoi. Très bien, alors il va te répondre certainement ça. Ferme ta gueule, connard. Voilà, et peut-être même qu'il te répondra ça. Bon, tu veux un autre remède infaillible? Tu raccroches le téléphone. Non, mais à mon avis, de lui, c'est avec. De quoi tu as dit? Parce que t'as parlé en même temps que le mec qui dit Nick Taras. Et tu vois, tu parles en même temps que moi d'ailleurs. Je pense que t'as, à mon avis, la radio derrière toi là, non? Ah, ouais, là, bon, ouais, reste avec là, nous, Gis, on va l'appeler tout à l'heure, la bouge pas de là. Il y a Manon aussi qui est avec nous, la d'Avignon là. Bonsoir Manon, t'appelles pourquoi? Bonsoir, alors en fait, j'appelle parce que je suis en couple avec un gars et une fille en même temps et je sais pas, j'hésite entre les deux. Ah d'accord, ok, bah écoute, on va essayer de t'aider, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, Manon, reste avec nous. On aura Chrysilla aussi, là, 20 ans de l'aigle. Salut à toi Chrysilla, bonsoir, tu nous appelles pourquoi? Je t'appelle parce que je pense que mon mec me trompe et qu'il a des problèmes d'érection. Oh. Ah les deux. Très bien, on fait c'est, une petite... C'est bizarre, parce que si ça monte pas, pourquoi il va voir ailleurs? Oui, bah, peut-être que ça monte pas à cause d'elle, on verra bien. Bon, en tout cas, Chrysilla, reste avec nous. Pas à cause de moi. Bah, on verra, on va en parler en tout cas. Donc ne bouge pas de là surtout, Christina. Et puis on va se faire aussi du son ce soir. Alors je vous ai prévu Robin Thicke. Ça te va ça, Christina? Robin Thicke, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, mais si tu pourrais aussi m'envoyer un album en cadeau. Oh bah l'autre, elle est même pas encore passée, qu'elle gratte déjà, Christina là. Josiane gratteuse, bah, oui, comment ça se passe? Parce que tu me dois bien la dernière fois. Rappelle-toi, de quoi tu m'as vanné en plus. Hein. Ah bon, à propos de quoi? Bah oui, tu m'as dit que je suis tombée dans le ravin, quand ça avait coupé aussi. Un soir, j'avais appelé en plus, tu m'as dit c'est moi qui avais coupé, alors c'était moi. Nous sommes dans une faille spatio-temporelle. Christina, ne bouge pas, nous allons te reprendre dans un instant. Hein. C'est pas un problème ça. Hein. Et puis on aura aussi Calvin Harris. Voilà, Calvin Harris, Avicii. Je vous calerai aussi Michael Moore. Et puis ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu, tiens, dans l'émission. David Guetta. Voilà, ça passera ce soir sur Fun Radio. Et puis si vous voulez écouter d'autres sons, bah, vous faites comme chez vous évidemment, hein. Ça se passe sur le Twitter notamment. Vous tapez le hashtag MIKL tout simplement pour venir parler avec nous. Ça marche également sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel, avec un écran plat ce soir à gagner, un 40 pouces. Attention, j'ai décidé de faire le grand prince ce soir là pour fêter l'arrivée du week-end. Tu es trop donc, bon. Bah ouais, écran LED Full HD 40 pouces. On fera le tirage au sort tout à l'heure. Donc si vous voulez tenter de le choper, il suffit d'aller faire un like sur l'écran. Vous allez sur facebook.com/MIKL officiel. Et puis on va saluer Tom qui est là également. Oui, mais Robin Thicke en featuring avec le Pipo. Ah, c'est une idée, Tom. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Ouais. Il y a Anto sur le Twitter aussi qui dit la meuf, elle sort avec un gars et une fille en même temps. Ah là là là là, au calme. On verra ça aussi. Vincent sur le Facebook qui dit bonsoir l'équipe, courage à Mélanie pour tenir contre Toff. T'as vu, Mélanie, là, il y a déjà des auditeurs qui souhaitent bon courage. Ouais, je vois ça. Bah, on parle juste plus près du micro, Mélanie. Oh, pardon. Je voilà. Vois ça, c'est gentil. Hein. Mais t'as vu, un peu, ils sont tous avec toi et ça fait plaisir. Ouais, jamais avec moi, c'est scandaleux. T'as vu. Et Steven, c'est marrant seul. Parce que dans le studio, en fait, elle t'a bien essayé de le côté. J'ai bien vu qu'elle s'était collée à Polo et que elle moi, s'est venue à côté du beau gosse. T'emballes pas non plus. Hein. C'est bon, tout le pipo. Et hein, il y a Steven pipo, qui dit un petit coup de lance-flamme. Ouais, il est là, t'inquiète pas, je l'ai chargé le lance-flamme. Voilà, il est là, il est en pleine forme. Et puis il y a Abby aussi qui dit vend pas le pipo. Bah je vais voir Abby, on verra ce week-end, on sera fixé dimanche. Et puis Cédric qui dit on peut avoir une photo de Mélanie. Eh bah si elle veut, on peut mettre une photo de toi avec Toff, ouais, en futur amoureux. Pas de problème. Pas de problème, on fera ça. T'as vu, elle a répondu pas de problème, ouais, hein, Toff. On n'est pas à l'abri. Parce qu'elle voulait pas me vexer. Bah on sait jamais, ouais. Bon, et puis il y a Thomas qui est avec nous là maintenant là. Bonsoir Thomas. Salut. Comment on va? Salut. Ouais, ça va, tranquille. Bon, t'appelles pourquoi toi, Thomas, dis-moi. Écoute, je pense qu'on va. C'est un sujet très intéressant. Hein, on va en parler effectivement. Et justement, on parlait d'hypnose hier, d'hypnose sexuelle. Et justement, nous avons la chance d'avoir quelqu'un maintenant qui va pouvoir nous expliquer comment ça va se passer au niveau de l'hypnose sexuelle. Comment ça va ? Très bien. Alors parle juste un petit peu plus près du micro s'il te plaît, voilà, où tu peux le bouger, hein, tu peux le mettre dans tous les sens. Voilà. Alors, il n'est pas méchant. Dis-nous peut-être un petit peu qui tu es et ce qu'on a fait l'annonce hier, donc t'es arrivé et voilà. Et l'hypnose sexuelle en deux mots, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, en fait, je suis Chaf. Ouais. Je suis praticien en hypnose ericksonienne. Ericksonienne. D'accord. Du nom Milton Erickson. Ah parfait. Rien à voir avec les Sony Erickson. Ah, pas tout à fait. En fait, c'est un médecin psychiatre qui a un petit peu remis au goût du jour pour ses clients l'hypnose. D'accord. On va en parler plus en détail après. Donc ne bouge pas. Mais en tout cas, nous avons quelqu'un pour pratiquer l'hypnose sexuelle justement ce soir. On en avait parlé hier. Bah, je m'attendais pas à ça arrive si vite. C'est parfait. On fera ça donc ce soir. Et puis on va reprendre dans un instant donc notre ami Thomas qui voulait justement parler. Ça tombe bien. Et puis on a Kevin qui va réagir dans un instant aussi à ce que vous regardez en premier chez les gars et chez les filles. Kevin, déjà là, Kevin. Oui, salut la poule. Salut ma poule. La poule. D'accord. La poule. Quelle poule ? Quelle poule ? J'ai pas dit une poule, j'ai dit une foule. Salut la poule. Foule, d'accord, ok. J'ai compris que t'as dit salut ma poule. Je dis si tu veux, pas de problème. Nous après on n'est pas dans le détail. On a eu des encore. Ouais, parce qu'on a effectivement le lance-flamme. Fais attention là quand même. Hein. Voilà, ça m'ennuierait que tu de te le mettre comme ça là, Kevin. Bon, alors t'appelles de tour et dans un instant on va parler avec toi de ce qu'on regarde en premier chez les mecs et chez les filles, d'accord ? Ok, ça roule. Bon bah bouge pas de là, Kevin. On va se mettre Robin Thicke dans un instant. Ça te branche ? Impeccable. Parfait. Nickel. Alors bouge pas de là. On va revenir dans un instant. C'est Mickaël No Limit. Soyez tous les bienvenus. Je vous rappelle ce soir également, comme tous les soirs, si vous venez me faire un petit follow sur Twitter, je vous ferai un petit follow également sur Twitter et sur Instagram. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc twitter.com, vous tapez M-I-K-L officiel, vous me faites un follow et je ferai de même juste après. Ne bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit. Jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01-42-48-5000. Sur Fun Radio. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio dans toute la France là. 01 42 48 5000. Appelez-nous pour nous dire ce que vous regardez en premier chez les mecs et chez les filles. On est tombé sur une enquête, on va en parler évidemment d'ici quelques instants. On parlera aussi de l'hypnose sexuelle. Et vous le savez, il y a la colle qui va débarquer dans un instant. La colle du soir qui va vous permettre de repartir avec vos iPod Nano ou alors avec votre casque de DJ. Comme ça vous savez tout. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a toujours l'écran plat à gagner. Simplement faire un like sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, comme ça vous savez tout. On fera le tirage au sort évidemment tout à l'heure avant la fin de l'émission bien entendu. Et puis on va s'écouter maintenant le son de Robin Thicke sur Fun Radio avec Blur Red Line. C'est parti donc, on y va, c'est parti. Aïe hop. Eh bah oui, hey. Aïe hop. Robin Thicke sur Fun Radio, Blur Red Line. Ça va bien se passer ce soir. Je suis en train d'enlever mes moufles et ça va bien se passer, vous allez voir. On est jusqu'à 2h du mat, soyez bienvenus sur Fun. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, Mickaël No Limit. Là on est là jusqu'à 2h du mat ce soir, dernier jour de la semaine. Pour nous en tout cas évidemment, hein, ça tombe sur le sens. On sera de retour à partir de dimanche 20h sur Fun. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Fun Radio. Et le numéro à composer, n'hésitez pas. Et puis je vous calerai aussi tout à l'heure là le son de Stromae. Voilà, Stromae qui arrivera tout à l'heure avec Papa Outé sur Fun Radio. Puis il y a des messages qui sont arrivés aussi là, notamment il y a Rivalzio qui dit la musique ne vaut pas le pipeau de Polo. Oui mais rassure-toi, hein, je te rappelle que Polo peut faire Stromae au pipeau. Je peux tout faire. Voilà, donc tu veux le refaire ou pas? C'est comme tu veux. Bon alors Stromae c'est ça, hein, je le remets. Ouais, laisse-moi me mettre dans l'ambiance. Voilà. Ouais. On l'a essayé hier, ça s'est plutôt bien passé hier, c'est vrai. C'est bon, c'est voilà, bon. C'est bon. Bon alors vas-y, refais-le avec le même air en version pipeau, t'es prêt? Attends, je respire un peu parce que je fais aussi un peu d'hypnose avec le pipeau, mais c'est pas pareil. Vas-y. On est prêt? T'es prêt? On y va. Allez, go. Parfait. Il y a rien à dire. Je pense qu'à ce niveau-là, on est vraiment au taquet. Sur hein. La fin, je foire un peu, mais. Ouais, mais bon, c'est normal en même temps. T'avais plus fait ça depuis longtemps, c'est normal. Bon, bah, très bien. Comme vous avez vu, Polo est là, il n'y a pas de problème. Hein, Rivalzio, il n'y a pas de souci. Petit Panda aussi qui dit Mickaël, petite dédie à mon chouchou Toff. Encore quelqu'un qui est aveugle. Salut la Ligue Braille. Il y a un message de la Chouette qui dit je suis complètement addict à cette nouvelle drogue. Bah, c'est laquelle, la Chouette? Il y a Expro aussi qui dit mais la musique. de Sauce Park avec Enculé. Bon, on la mettra un peu plus tard, celle-là, t'inquiète pas. On attend que le boss soit parti, puis on la mettra. D'ailleurs, Lucas, tu peux partir quand tu veux. Il est déjà parti, c'est bon. Ah, il est parti, bah très bien alors. Ah, bah alors parfait, ah, bah on peut y aller alors, hein. Attention. Ferme ta gueule de merde. Toi, l'enculé. On la mettra tout à l'heure. Fan de Pipo aussi qui dit moi je veux le Pipo. Ah bah non. Je suis en train de discuter avec d'autres radios pour leur vendre. Je vais pas le donner quand même. Samy aussi qui dit merci à vous, je kiffe. Attends, c'est quoi, toujours un kill être avec vous ce soir. Yaku aussi. Zacharia qui dit tu déchires Mickaël, faut continuer. Mais ça tombe bien, on compte pas arrêter. En tout cas, merci à toi. Ben qui dit quel talent ce polo quand même sur Twitter. Et c'est vrai. Vous êtes géniaux de Tilo aussi, vous me tuez. Merci à toi. Et Marie aussi qui dit bonsoir les jeunes. Ce que je regarde chez les hommes, malheureusement, je suis vieille France. Ce sont les yeux. Ou sinon son allure. Plus généralement, je suis également sensible à la voix des gens. Bonne émission à tout le monde. Eh ben, merci Marie. Dis-nous d'ailleurs aussi quel âge tu as, Marie. Jérémy aussi qui dit salut l'équipe, vous gérez grave. Dédicace à ma copine Camille. Et puis Léa qui dit s'il te plaît, mais Animals de Martin Garrix. On essaiera de mettre ça tout à l'heure sans problème. J'ai oublié son prénom, j'ai déjà effacé le message, dommage. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien lu le message, t'inquiète pas. Bon, retour avec maintenant notre. Eh ben, on va faire la colle aussi dans quelques instants. Et puis Thomas, on l'a récupéré là, Thomas avec l'hypnose. Là. Salut Thomas. Salut. Salut. Ouais, ça va, salut Thomas. Thomas. Bon, très bien. Sois le bienvenu Thomas. Donc toi t'appelais de du territoire de Belfort et tu voulais parler d'hypnose sexuelle. Alors ça tombe bien parce que justement on a Chaf. Alors allume ton micro, Chaf. Voilà. Chaf qui est avec nous, donc qui est un praticien en hypnose ericksonienne certifié. Un spécialiste. Voilà, on va faire un résumé, ce sera plus simple. Ah, moi je trouvais ça la classe la façon dont il le dit. Ouais, mais le problème c'est que j'arrive pas à le répéter. Donc bon, du coup Thomas, tu voulais dire quoi sur l'hypnose sexuelle toi? Bah c'était ce que j'avais subi il y a pas longtemps, mais c'était pour vous dire comment ça se passe. L'hypnose sexuelle? Ouais. Mais t'as quel âge? 13 ans. Et t'as déjà fait de l'hypnose sexuelle à 13 ans? Ouais. Mais avec qui? Quand je vois la tête de Chaf, je suis pas sûr quoi. T'es sûr que t'as fait ça à 13 balais? Ouais, mais je sentais pas beaucoup. Oui. Je sentais pas beaucoup. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait ça avec qui? Bah, tout seul. T'as fait de non, ça s'appelle de la masturbation, c'est pas pareil, Thomas. Tu confonds. Voilà, c'est de la masturbation. Tu as imaginé des trucs dans ta tête et tu t'es astiqué avec. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois ou quand tu penses à une meuf super bien, t'as la gaule. Voilà. Ouais, mais ça c'est pas du homosexuel, ça c'est la nature, ça. Thomas, c'est la nature, ça. Thomas, moi aussi je fais des hypnoses sexuelles tout le temps alors. De quoi t'avais déjà fait l'hypnose? T'avais déjà fait quoi? De l'hypnose. Ouais, non, mais d'accord, mais pas d'hypnose sexuelle, c'est différent. C'est différent les deux sont différents Thomas. Mais j'ai fait aussi de l'hypnose aussi. Oui non mais j'ai compris mais pas sexuel. Ah oui. Attends, il y a Chaf qui va peut-être nous préciser. Excuse-moi, t'as pris un petit peu les bases de l'hypnose et tu l'as utilisé pour te créer en fait des sensations pour toi, sur toi en auto-hypnose. Non. Ah bah non. Il est nouveau parti, mais je pense tu que de peur. Ouais c'est ça, mais deux fois déjà, deux fois il lui parle, deux fois il raccroche, il a peur Thomas. Tu lui fais peur, c'est bon, ça. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon à mon avis c'était juste la masturbation, c'est de ça dont il voulait parler, c'est pas un problème. Oui, donc bon. Ce qui n'a rien à voir. Hein. Et oui, ce qui n'a rien à voir. Et donc, sinon moi je suis en auto-hypnose sur Mélanie depuis longtemps quoi. Mais oui c'est ça. Donc Mélanie justement, donc qui est l'auditrice qu'on a eue hier soir, qui a été présentée par sa copine qui s'appelait je sais plus. Sarah, voilà c'est ça. Et donc Sarah nous a venu en disant ah j'ai une copine est célibataire, faut y trouver quelqu'un. Donc on lui a dit bah viens à la radio. Du coup, elle s'est proposée, on lui a proposé justement aussi de tester l'hypnose sexuelle. Où elle a dit évidemment, ah bah oui, oh là là. Oui, oh là là, depuis le temps que j'ai plus rien fait. Bah c'est ça, ça fait tellement longtemps que la machine est encrassée, on va essayer de faire l'entretien. Hein, c'est ça. On va pouvoir en profiter. Compris. Bah voilà, très bien. Donc on va faire ça dans un instant avec Chaf justement dans le studio d'à côté. Hein. Mm-hmm. Voilà, comme ça tu seras tranquille. On mettra une petite lumière tamisée, on vous mettra un petit peu de musique, on va vous mettre une belle musique, tiens comme ça. Oui, j'ai pas dit que c'était une musique avec tendance, hein. Tu fais ça avec quoi d'habitude, Chaf? Avec la musique un peu... Sans musique. Ah, sans musique, bon, si tu veux. Sinon, j'ai... On peut mettre aussi une petite musique, ça dépend. Oui, tu veux ça, tiens. Voilà, on peut te mettre ça, si tu veux, là, comme musique, non, pour l'hypnose, non? Ça ira pas? Objectivement, je suis censé m'adapter à la personne que j'hypnotise, donc si ça te fait décoller... D'accord, c'est quoi qui te fait décoller, Mélanie? Ah bah, musicalement, t'aimes bien faire l'amour sur... Parle dans le micro, regarde. Musicalement, tout ce qui est les chansons d'amour. Ah, les chansons d'amour? D'accord, ok. Genre, par exemple ça, quoi. Oh, mais quelle horreur. je reviens. Oui, c'était que je t'aime, mais sinon j'avais ça aussi. Ah bah oui, ah, tu kiffes ça ou pas? Non, du tout. Non, tu vois, tu cherches une chanson d'amour, et puis après je te propose et tu veux pas. C'est dingue ça, un exemple de chanson d'amour. Tina Arena. Ah oui, Tina Arena, oui. Bon, on fera sans musique. Hein, on fera sans musique, c'est plus sûr. Comme ça, on est tranquille. On va faire sans musique, donc on va Ouais, on va plutôt faire ça comme ça, effectivement. Bon, on va prendre Kevin d'abord, là, avant de faire la colle. Kevin, 29 ans de Tours. Alors, Kevin, toi, t'aimes bien faire l'amour sur quoi? Sur de la musique, mais quel style? Non, rien du tout. Rien. Non, plutôt en mode normal, quoi. Sans musique, sans rien. Je fais ça comme light, sec. Ouais, comme sinon, ça, sinon, tu peux faire de la musique avec ça. Avec le pipeau de Polo. Non, ça c'est quand elle souffle dans mon pipeau, ça fait le bruit. Ouais, respecte le pipeau, toi. Bon, alors Kevin, toi on en parlait justement, on en a parlé au début d'émission. Là, tu quand tu regardes une fille, tu regardes quoi en premier? Attention, sois honnête, hein, commence pas avec oui, je regarde les yeux, etc. Hein. Franchement, je suis honnête, je regarde déjà la forme de la femme, déjà. Ouais. Après, la tenue vestimentaire. D'accord. Et je joue beaucoup, je vais voir une fille en jupe ou en jean, c'est pas pareil quoi. Je veux dire, ah bah non, ça c'est sûr que c'est pas la même chose, non. Non mais franchement, je préfère voir une fille bien gaulée dans un beau jean que de voir une fille qui est mal gaulée ou qui se la pète avec une mini-jupe quoi. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Il y a un truc moi sur lequel je fais super attention, c'est les mains, les doigts. Ah mais non, sérieux. Non mais c'est un truc, ça peut me bloquer si t'as une meuf qui est bien avec des doigts dégueulasses, t'es rond, avec les ongles rongés ou des trucs comme ça. Ah non, ça je peux pas moi. Non, c'est, alors par contre, le truc qui tue quoi, c'est les dents quoi. Je veux dire, la meuf elle peut être jolie et tout, mais par contre dès qu'elle te fait un sourire, qu'elle a plus de vaisselle dans le buffet, franchement, c'est horrible. Elle a plus de vaisselle dans le buffet, n'importe quoi. Allez, bonsoir. Oh là là là là, la grande classe, la grande classe. Bah rien, c'est une classe, c'était une vanne, les mignons, c'est pas un problème. Allez, franchement, ça tue quoi. Ça, bon. C'est le truc qui tue quoi. D'accord. Moi, c'est l'accent aussi. Moi, l'accent peut me rebuter aussi. Ouais, aussi. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois une meuf super bien, puis elle a un accent improbable. Waouh, ça me. Ouais, mais quand t'es dans un lit. Et t'as pas envie de parler. Non mais d'accord, mais après tu discutes un peu, tu discutes un peu avant quoi. On discute pas, moi et Toff on a rien à foutre. Ouais. Oh ouais, non mais vous d'accord, ok, mais après ça a un problème. Bar, hein. C'est pour ça parfois je suis arrivé au pieu et quand je l'ai entendu jouir, ça m'a fait direct peur. N'importe quoi. J'avais pas le temps de lui parler avant dans la boîte. N'importe quoi. Bon, attends Kevin, reste avec nous, on va prendre Jaja dans un instant aussi qui voulait nous donner son avis par rapport à ça. Donnez-nous vos avis aussi, je vais mettre le post sur le Facebook et sur le Twitter dans quelques instants. Et puis on va se faire la colle maintenant, la colle, c'est avec pas cette musique là déjà, c'est avec Nalia qui est là. Salut Nalia. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. On est là tranquille, jeudi soir. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir à la cool. T'écoutes l'émission depuis longtemps, Nalia? Non, depuis 2-3 jours. Eh ben, sois la bienvenue, Nalia, tu vois. Bravo et welcome. Bon, Nalia. Oui. On va jouer maintenant à ce grand jeu qui est la colle du soir. La colle est très simple, très simple, c'est toi qui la gères évidemment, mais le concept en tout cas est très simple. Tu poses une colle, si les auditeurs trouvent. Ils gagnent s'ils sont tirés au sort, évidemment. Si personne ne trouve ou si du moins personne ne décroche quand on appelle quelqu'un, tu gagnes. D'accord, Nalia? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, Nalia. Eh ben, écoute, on t'écoute hein, pour la colle. Écoutez bien, les mecs derrière la radio, les mecs et les filles, là. Écoutez bien, on y va. Vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? Vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça me paraît pas compliqué, mais après, à vous de voir, je ne donne pas la réponse des fois que j'ai la bonne. Hein. Je vous donnerai mon idée après, des fois que j'ai la mauvaise aussi. Bon, bah très bien. Donc, si vous avez donc vous avez 2 billets... Attends, c'est quoi? Vous avez 2 billets... Alors, répète la question, j'ai oublié. Vous avez 2 billets dans votre poche, vous en perdez une, qu'avez-vous? D'accord, ok, très bien. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, allez-y. On va jouer ce soir sur les SMS. Vous envoyez votre réponse maintenant. Vous débutez le message par M-I-K-L et vous... envoyez votre réponse ensuite, vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Allez-y, on attend toutes vos réponses bien évidemment d'ici quelques instants pour gagner votre iPod Nano ou votre casque de DJ. Tu prendrais quoi, Nalia, si tu gagnes, toi, l'iPod ou le casque de DJ? Bah l'iPod Nano sans hésiter. Eh ben l'iPod Nano sans hésiter. Bah écoute Nalia, en tout cas je te le souhaite, bonne chance et on te reprend tout à l'heure, Nalia, d'accord? D'accord, merci. À tout de suite, Nalia. Et puis bah bougez pas, on va se mettre le son de Stromae. Ça va Jaja, on se met Stromae, ça te branche? Ok, ça bosse. Très bien. Et puis tu nous donneras aussi ton avis, toi, par rapport à ce que tu regardes chez les filles en premier quand tu les rencontres. On va récupérer Kevin aussi. Et puis on va inviter notre ami Chaff. Ouais, c'est ça. Mais je vais le noter parce que comme c'est un prénom un peu particulier quand même malgré tout, hein, on n'a pas l'habitude. Du coup, déjà les prénoms normaux, j'ai du mal. Mais alors ceux qui sont particuliers, j'ai encore plus de mal. Donc Chaff et Mélanie, donc l'auditrice qui est venue ce soir, on va les mettre dans le studio d'à côté pour faire cette hypnose sexuelle. On va tester. Prêt. Prêt, tous les deux. Oui. Parfait. Toff qui va aller évidemment en tant que voyeur. Oui. Mais je viens filmer, je viens regarder. Que se passe-t-il? Mais oui, que se passe-t-il? Vous avez besoin de quelque chose? Mais oui, je peux venir à tout moment, rassurez-vous. Il n'y a pas de problème. Bon, le son de Stromae maintenant sur Fun. Et puis si vous êtes sage, on mettra un petit coup de pipeau également dedans. Je vais voir, je vais réfléchir. Attends-moi. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Le son Stromae, à l'instant sur Fun Radio, la Stromae avec Papa Outé. Eh oui, est-ce que les gens ont kiffé la version avec le pipeau ah. Voilà, et puis il y a Jean-Baptiste qui vient d'arriver aussi sur le Facebook. Il dit salut Mickaël, tu peux passer une dédicace à mon frère John qui est toujours célibataire depuis 4 ans. Ah ouais, mais il y a un problème à un moment. Ouh, ah bah 4 ans, comment moche, t'expliquer que... très très moche. Bah c'est ça, il y a Petit Panda aussi qui dit dédié à mon salaud de frère qui est parti à Ibiza avec sa chérie et ses beaux parents, je te déteste. Bah ouais, mais t'as 80 mecs aussi, Petit Panda. Hein. Et t'inquiète pas, c'est pas en tapant off que tu vas aller à Ibiza, je te le dis direct. T'iras nulle part. Hein. Bon, t'iras peut-être, mais en payant, hein, c'est tout. Hein. T'iras dans un Formule 1 là, en bord de et encore. Et c'est toi qui paieras. Et encore, à tes frais. Mickaël, moi je suis un mec, je regarde ses fesses, puis ses yeux et la voix qu'il a. Ben aussi qui dit ce qui fait décoller, c'est Polo et son pipeau. Ah bah génial. Mathieu aussi qui dit le mec qui confond la masturbation et l'hydrosexuel et Camille aussi avec un cas sur Twitter qui dit Mickaël en général on regarde le visage sinon quand je parle à un mec c'est la bouche, les yeux, j'aime pas trop, c'est intimidant. Oui. Et puis Evan sur le Twitter qui dit vous offrez combien pour le pipeau? Bah nous on offre rien, c'est rien. Le nôtre déjà justement. Il y a Soon aussi sur le Twitter qui dit moi je regarde la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Clément qui dit continuez comme ça, je vous aime Polo. Oui. Peut faire, va te faire foutre sale enculé avec son pipeau. Oh là là, il faut qu'il réfléchisse. C'est pas va te faire foutre, ça l'enculé. En non, non, c'est la chanson non, de South Park. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Respect, quand même. Quentin qui dit tu le vends combien ton pipeau? Je peux pas, malheureusement, un contrat de avec déjà avec plusieurs radios et donc on ne peut pas en parler comme ça à l'antenne évidemment. Mais bon, voilà, c'est un prix modique. Voilà. Donc Vincent aussi qui dit la première chose que je regarde chez une femme, ce sont ses dents. Si elle a des dents qui courent au steak ou des dents pourries, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Et puis Dodo aussi qui dit ah ce bon vieux pipeau, qu'est-ce qu'on l'aime? Eh ben ouais. Oui, justement, tiens, on l'aime bien ce bon vieux pipeau. Bon, on va récupérer Toff là qui est en direct du studio d'à côté. Allô Toff, t'es là? Oui, je suis là. Pourquoi je dis allô? C'est alors qu'il est à côté. Hein. Notre envoyé spécial. Voilà, donc Toff, l'envoyé spécial dans le studio d'à côté. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Tu parles comme ça? Fort parce qu'ils ont déjà commencé. Ah bon, d'accord, bon, donc je vous rappelle donc le concept. Donc Toff est dans le studio d'à côté. Et bah, en gros, il est avec Mélanie et Chaff. Chaff, un hypnotiseur sexuel qu'on a, on a fait une demande hier. Quoi. Oui, non, c'est ça, un hypnotiseur sexuel. Et donc on a fait la demande hier, on en avait parlé en disant putain je voulais savoir ce que c'était. Et donc Chaff est venu, apparemment c'est un pro dans le domaine. Ou en tout cas c'est un bel enfumeur peut-être, on va savoir. Non, on ne sait pas, c'est vrai, on ne sait pas. Et donc du coup il est avec une auditrice, avec Mélanie qui est venue tester qui est venue tester ça. Et donc Toff, évidemment comme par hasard, est dans le studio d'à côté avec Mélanie et Chaff justement. Alors comment ça se passe Toff? Écoute, ça a l'air de bien se passer. Donc là il est en train de lui expliquer comment ça va se passer. Ouais. Et donc il est en train de la détendre, de la mettre à l'aise pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. Donc voilà. Non, mais par contre, Mélanie n'a pas l'air très très à son aise quand même. Hein. Non mais c'est normal. Attends, elle arrive dans une radio là, elle va faire du un truc, un hypnose sexuel. Évidemment qu'elle n'est pas à son aise. Oui. Je comprends pas parce que moi je serais tout à fait à mon aise à sa place. Oui, bah j'imagine. Bon après, cela dit, Toff, tu peux revenir hein, pendant vrai, qu'elle. Je laisse le micro quand même pour écouter. Ah bah bien sûr, évidemment. Je laisse le micro et puis je les laisse tranquille. Bon parfait, très bien. Puis moi je coupe et on reprendra d'ici quelques instants. Il y a Ludovic ici. Moi chez une fille, je regarde en premier. Ce sont les yeux. Michaela qui dit t'es trop d'art, Michael. Merci Michaela. Écoute, Romuald aussi. Si Michael, c'est vraiment le meilleur. Je vous kiffe. Oh bah merci, que de compliments. Encore une fois, ça fait deux c'est soirs de suite. Nous, hein. Je vais finir par m'y habituer. Faites attention. Retour avec Kevin et avec Jaja également là de Toulouse. Ça va Jaja de Toulouse? Oui, ça va très bien. Bon, très bien alors. Salut, Jaja. Jaja, toi tu nous avais appelé parce que tu voulais simplement nous dire ce que tu regardais en premier chez une meuf, c'est ça? Ou chez un mec? Oui, après, je sais pas quels sont tes bords. Alors, d'abord on va commencer par les filles. Ouais. Alors, par les filles, ben justement, j'en ai entendu parler ce matin aux infos. En fait, apparemment, entre chaque cuisse, il y aurait un espace. Alors, oui, oui, on est au courant. Ah oui, entre chaque cuisse, il y aura un espace. Ouais, oui, oui, c'est forcé, oui. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont ça. Même les animaux, ils ont un espace entre les cuisses, en fait. Et non, pas la girafe. Attends. Non, mais c'est autre chose. Entre chaque fille, il y aurait un espace. Je et pense qu'il y a encore un peu d'alcool là-dessus. Je regarde ce soir mes espaces. Ouais. Ils forment quelquefois justement un cœur, un paysage, quelque chose de particulier. Et justement, c'est justement ça que je regarde. Attends, mais parce que entre les cuisses, c'est vrai que parfois, quand t'as des filles qui sont là, c'est genre en mini-jupe, tu vois si effectivement elles ont les cuisses peut-être un petit peu plus écartées ou un peu collées. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Mais qu'est-ce que tu me racontes d'un paysage, toi? Oui, mais non, un paysage, mais c'est souvent quand elles ont un jean, quand même. C'est souvent un pantalon, parce que sinon, un jupe, on voit pas trop grand-chose, donc du coup, c'est un peu plus dangereux. Ouais, en pantalon, peu importe. Tu vas voir une fille dans la rue, tu lui dis, attends, est-ce que je peux regarder l'espace entre tes cuisses, il y a un paysage? Ouais. Non, tu te fous de notre gueule. Tu lui brûles la gueule, on lance flamme. Exactement, ouais. Voilà. Non, mais sinon, moi, quand je vois une femme, je fais d'abord... Ah, c'est bien ça. Ouais, je fais une vocalise pour voir si ma voix elle passe bien effectivement. Moi je joue du pipeau mais ça marche pas toujours. Ben ça t'as remarqué aussi. J'ai pas que gifle dans la gueule. T'as remarqué? Qu'est-ce qu'il y a, Jaja? Tout dépend du pipeau. Mais ce pipeau là par exemple, attention, Polo va nous faire. On y attention. Va. Musique. Musique. Non mais là elle craque, c'est sûr. Ah t'as vu hein? Elle craque. Tout, ah ouais. Ouais. Mais pourtant il a déjà essayé avec des filles là, ça a jamais vraiment bien fonctionné hein, malheureusement. Mais bon, il y a fan de Pipo aussi sur le Twitter qui dit tu pourrais faire un big up à Steven qui vous écoute. Bah c'est fait fan de Pipo. Yanis qui dit moi je regarde d'abord si elle est belle. Pipanda qui dit Mickaël trop ça déchire. Bah c'est gentil. Et puis un message qui dit de DJ Kylian, je suis milliardaire et je veux racheter le Pipo car je monte un orchestre avec les meilleurs instruments, il me le faut. Écoute, fais une offre et puis on verra. Bon, Jaja, donc toi tu regardes ça et t'as déjà trouvé des filles avec un espace entre les cuisses. Un paysage particulier, oui. Un paysage particulier, c'est comme ça que tu appelles ça, c'est parfait. Ouais, non mais nous dans le sud-ouest, on voit souvent des paysages particuliers. Eh bah oui. C'est le problème. Oui, non, on a compris. Il y a tout le problème du paysage. Exactement. C'est ouais. Le problème de la ville rose. Hein. Mais oui, mais t'as raison. Attends, on va prendre Juliette quand même, qui est une fille, parce que c'est vrai que ce serait bien d'avoir un avis des avis féminins. Allô, t'es là, Juliette? Oui. Oui, comment ça va, Juliette? Bien, et vous? Bon, ça va, ouais. Est-ce qu'on doit vendre le pipeau, toi, à ton avis? Non, elle est trop bien, vous faites de la musique. De la musique roi. Exactement, donc on va garder le pipeau alors. Pour l'instant en tout cas, hein, je prendrai ma décision finale dimanche. Bon Juliette, alors toi tu regardes quoi quand tu vois un mec là pour la première fois? Bah le physique. Oui non ça d'accord, mais quoi en particulier? Genre les jambes, le visage, le torse, le ventre, le cul, je sais pas moi. S'il a une grosse bosse. Juliette? Le visage. Ah, le visage, d'accord, ok, fais attention au visage. Note, c'est mieux. C'est quel âge? 14 ans, c'est mieux. Bon, effectivement, regarde le visage. Non, mais c'est vrai, il vaut mieux, effectivement. T'as raison. Moi, je regarde son âme, je sonde son arrête âme. Arrête ton cinéma, je regarde que dalle. On était tout à l'heure, là, t'étais en train de regarder avec toutes les meufs. Je la baise, arrête un peu ton cinéma. Oh là là. Quel mytho, t'en décollé, t'es sérieux là? T'es en train de casser le mythe est cassé. C'est ça, le mythe est cassé, n'importe quoi. Il était déjà cassé depuis bien longtemps. Bon, très bien, mais merci encore, continue à balancer tous vos messages évidemment là par rapport à ce que vous regardez en premier. Il y a Aurore qui dit moi je regarde le cul des mecs en premier, ensuite les yeux et puis les cheveux. Dodo aussi qui dit le gars il regarde l'espace entre les cuisses, tout va bien. Bah oui tout va bien en tout cas pour nous, il y a pas de problème. Merci à vous en tout cas d'être passé ce soir là. À bientôt Kevin. Il y a tellement de choses à regarder, n'empêche. Ah mais je te confirme, ça c'est vrai par contre. Michael, je voulais juste te dire mon film culte. Vas-y. Dis que mec. Oh, Dick Connick, évidemment. C'est un film préféré de Polo. Ouais. Parle parrain et Apocalypse Now. Voilà. Déconner, et les lunettes de soleil, elles sont dans la voiture. Il a volé la boîte à gants. Dans la boîte à gants. Et elle est où la boîte à gants? Elle est dans l'auto. Elle est dans l'auto, effectivement. J'ai été carjacké. Ouais, il était pas mal. Il est bizarre ce film, mais il est pas mal, c'est vrai. Ouais tu dis Kevin. Il est chelou, mais bon, quand tu regardes bien. Franchement, il cartonne. Ouais, il vaut mieux regarder, effectivement. Bah, merci Kevin, en tout cas, je te renvoie chez Alex, hein, au standard, j'allais dire les filles, mais pas du tout. Et puis nous, on va revenir dans un instant sur Fun Radio. Comme promis avec Calvin Harris, on prendra des nouvelles encore de l'hypnotiseur sexuel qui est avec une auditrice à nous à côté, là, dans le studio d'à côté. Et puis on revient en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. sur Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France, jusqu'à 2h du mat. Et ouais, on est là, 01 42 48 5000, on parle encore dans un instant de ce que vous avez, de ce que vous regardez en premier chez les mecs et chez les filles quand vous les voyez pour les pour la première fois. Venez d'ailleurs répondre, hein, j'ai mis le post sur le Facebook, facebook.com/michaelofficiel. Et puis venez également sur le Twitter, je vous rappelle que si vous me faites un petit follow, eh bien je vous ferai un petit follow derrière également. Hein. Donc bah voilà, je vous suivrai également. Donc twitter.com, allez-y. Et puis ça marche aussi sur Instagram, là, vous tapez MIKL officiel et puis bah vous me faites un follow et je vous follow derrière évidemment sans aucun problème. On va se faire Calvin Harris aussi et puis on va également d'ailleurs refaire un tour du côté de la colle avec Nalia. On va récupérer également Jérémy dans un instant là qui voulait qui était hétéro, son pote était homo, bref une histoire, on en avait parlé, on va prendre des nouvelles d'ici quelques instants. Il y a plein de messages aussi qui sont arrivés qu'on va lire d'ici quelques instants sur Fun Radio. Continuez Twitter et Facebook, on est là, on est connecté sur Fun Radio et puis on est surtout là jusqu'à 2h du mat. Bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit jusqu'à 2h là. Bienvenue tout le monde. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Ouais, c'est le numéro à composer si vous voulez venir délirer avec nous là. Si vous voulez prendre le contrôle de Fun, on est là jusqu'à 2h du mat. Donc profitez-en bien justement. Y'a que nous qui vous proposons de prendre le contrôle de la radio là, ben oui, sorti, alors, là. Alors venez, n'hésitez pas. Il y a Célia qui a envoyé un message qui dit alors Célia sur le Twitter qui dit le meilleur moment de la journée, vous écoutez dans mon lit. Très bien Célia, c'est très gentil d'avoir envoyé ce genre de message. Mais dis-nous comment tu es dans ton lit. On va te follower, c'est ça. Follow-nous. T'inquiète pas, c'est fait déjà. Oui, je rappelle également que je follow tous ceux qui viennent nous suivre évidemment sur le Twitter de l'émission. Vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Je viens d'ailleurs de follower All Singe et qui est là. Il y avait Jérémy également, Whitney, il y a Paul, Kevin, Lucas, il y a également Max Debeau, Clément, Martin, William, Poupoulinette qui vient d'arriver, Marine également, ça. Grégory, Jean-Charles. Mac et iOS, très bien. Zoé également, il y a Wild, il y a Dorian, il y a Myriam, etc., etc. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous me faites un follow sur Twitter et je vous follow derrière évidemment comme promis. Il suffit simplement de venir donc sur Twitter. Voilà, vous tapez MIKL officiel. Et puis on va parler également maintenant avec Nalia pour la colle. Tu es toujours là, Nalia? Oui. Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous répéter la colle, s'il te plaît? Oui, donc vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? Très bien, donc je rappelle que vous avez, vous pouvez choper un iPod Nano. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y, iPod Nano ou votre casque de DJ pour avoir la chance de repartir avec l'un ou l'autre. Il suffit simplement d'envoyer MIKL espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors pour la Belgique au 63 22. Alors répète un peu la question s'il te plaît Nalia. Vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? Voilà, vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous justement dans votre poche? Si vous avez la bonne réponse. Alors effectivement, c'est pas forcément la première idée qui est la bonne. Hein. Je vous dis ça, c'est pour vous aider. Oui, voilà. Oui. Bon, vous envoyez MIKL et la réponse au 64 900 pour, par SMS pour tenter de gagner. Ou alors MIKL et la réponse au 63 22 pour la Belgique. Bon, Nalia, on te reprend dans quelques minutes, d'accord, avec la réponse peut-être. En tout cas, j'espère pas pour toi en tout cas. D'accord? D'accord, c'est trop bien. Mais avec plaisir. À tout de suite Nalia. Tout de suite. Ciao. Voilà, la colle, on donnera la réponse d'ici une dizaine de minutes à peu près. Voilà, comme ça vous en savez plus. Est-ce qu'on fait un tour du côté du studio 2? Mais oui, allons-y. Voilà, le studio 2, c'est là où il y a actuellement Chaf, donc qui est donc l'hypnotiseur sexuel. On a fait un appel hier soir. Il me fait peur. J'ai une matraque à côté de moi au cas où. De toute façon, je m'en fous, moi j'ai le lance-flamme. Vas-y. Le lance-flamme est là. On lui brûle la gueule à chaque fois. Exactement, s'il faut, c'est pas un problème. Bon, donc du coup, faisons un tour du côté du studio à côté. Alors j'espère qu'on entendra bien. Parfait, c'est nickel ça. Ah, on est au top là. Ah, chut. Oh putain c'est trop bas là, on entend mal du coup. Ah merde, on va essayer de monter le son, vous inquiétez pas. On va vous récupérer, on va vous reprendre, on va les reprendre d'ici quelques instants pour voir un peu comment ça se passe. En attendant il y a Jamie aussi qui est sur Twitter qui dit bonsoir à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs. Evanidi qui dit aussi le jour où l'émission se termine, eh bien je pense qu'il n'y a plus de monde car pour nous vous êtes le monde. Oh c'est ouais, gentil c'est Evan, bon. Tu n'auras pas de cadeau pour autant mais c'est bien gentil. Je peux avoir une petite mélodie de Pipo rien que pour moi s'il vous plaît, c'est Alan qui avait envoyé le message. Alors si Polo est d'accord, Polo. Mais écoutez, moi je suis quelqu'un de. Oui, je veux bien le faire. Je veux bon, bien. Alors vas-y, vas-y. Alors spécialement pour Alan. Mais je vais faire ça sur une nouvelle note. Sur un La majeur avec. Très bien. Avec une entrée. Bon, fais comme tu veux. Avec une entrée. Allez, 16. Vas-y. T'es prêt? Attends, je respire. On y va. Ok. quel talent. Hein. Ah, ouais, mais ouais, franchement, il est mieux que l'autre. Non, on sent que c'est un nouveau parce que l'autre était un peu moins bien. Ouais, hein. Ouais, ouais. Il est un peu moins bien, effectivement, l'ancien. Voilà, Alan, rien que pour toi. Retour du côté du CO2. Alors, j'espère que normalement, j'espère qu'on peut pouvoir entendre quelque chose. Tu vas planquer tes billets. Voilà, donc là il est en train de lui dire qu'elle doit se balader dans les magasins. Si vous entendez pas, parce que c'est vrai que c'est bon, comme ils ont pas le micro directement sous leur nez, ouais. Alors évidemment on entend parfois un petit peu mal. Ouais. Alors tout à l'heure on écoutait parce qu'on est un peu des pervers et en fait il parlait de tornade. Attends. Bon, en fait ça n'a aucune importance tout ce qui se passe aux alentours. Reste le moment de ton expérience. C'est pas sale. Non. Donc encore une fois. Donc là, on est avec Mélanie, donc une auditrice qui est passée nous voir. Et avec un hypnotiseur, sexuel. Mais tout est possible, on sait jamais. Bon, tu vas jouir. Ouais, enfin, surtout le travail, quoi. Oui. Maintenant, c'est vrai que si tu crois que c'est possible, t'as plus de possibilités, t'as plus de possibilités de réussir en travaillant. Si tu crois que c'est impossible, tu travailles. Donc voilà. Alors, très bien, on va essayer ça, on va les reprendre d'ici quelques instants. Là, ils sont en plein travail pour justement essayer qu'elles puissent y arriver. En théorie, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, il y avait moyen que d'avoir plusieurs orgasmes en moins de 20 minutes. Ah mais plus. Oh là là là là. Paraît-il. Donc on verra bien, on prendra Mélanie après évidemment. Enfin, Toff prendra Mélanie pour voir si. Vrai, non, enfin façon de parler, hein, tu iras voir. Tu prendras la vie, voilà, c'est ça. Pardon. Bon et Pumba aussi qui dit je vous ai découvert hier mais vous êtes énorme. Bah, c'est gentil Pumba, sois le bienvenu, puis n'oublie pas de prévenir tes potes également, hein, qu'on est là tous les soirs. De 23h à 2h du mat sur Fun Radio et puis le dimanche dès 20h, je compte sur toi et sois le bienvenu Pumba et puis merci de nous suivre sur Twitter notamment. Et alors notre message aussi qui est arrivé. Guiloum aussi qui dit Fun Radio c'est ma radio préférée. Eh ben tant mieux Guiloum DJ là, sois le bienvenu à toi aussi. Et alors Hugo qui dit je regarde pas les filles, ma copine me l'a interdit. Un coup de pipeau sur un ton triste pour moi. Ah ben tout à l'heure, on va le remettre tout à l'heure le pipeau, t'inquiète pas. Non. Tout à l'heure, on verra. Si je lui fais pas de pipeau. On verra. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous regardez en premier chez les filles et chez les mecs, justement, d'ailleurs. On va faire un tour du côté du Facebook dans un instant également. Et puis là, on a Jérémy pour toute autre chose. T'es là, Jérémy? Ouais, je suis là. Eh ben, bonsoir à toi, Jérémy. Salut, tu nous appelles pourquoi, toi, dis-moi? Bah, pour mon pote qui est homo, et moi, je le suis pas, et il essaie de me... Exactement. Exactement, et on t'avait eu hier, justement. Tu nous avais expliqué ça, et on t'avait dit, bah, ce serait peut-être bien de l'appeler pour lui expliquer. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu lui as dit que toi, t'avais pas envie, qu'est-ce qu'il avait répondu, quoi? De quoi? Et quand tu lui as dit que toi t'avais pas envie, tu lui avais pas répondu ça, tu lui avais pas dit. Non, c'était la soirée. Donc le mec ouais, en fait il reste là, il sait pas en fait. Ouais voilà. D'accord, c'est intéressant, hein, c'est bien au moins, comme ça au moins il est fixé, tu vois. Ah oui, donc on va l'appeler. Il s'appelle comment le gars? Lucas. Il s'appelle Lucas, très bien. Bon bah écoute, on va essayer de l'appeler. Tu veux lui parler ou on lui parle nous, comment on fait? Ouais, je vais essayer de lui parler en premier. D'accord, ok, très bien. Bon. N'oublie pas un truc, on a un lance-flamme. Ouais, on a un lance-flamme, on a le pipeau. Un pipeau. Et attends, je vais fermer. Voilà, au cas où il faut chanter, on est prêt, quoi, d'accord? N'hésite pas. Okay. Bon, parfait. Allez, ça va bien se passer. Et au cas où il est vraiment excité, j'ai toujours le fouet qui est totalement disponible. On va lui calmer la gueule, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on y va, c'est parti, Jérémy, on l'appelle. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Il est trop excité. On n'a pas de l'eau pour le noyer. Ah non, ça j'ai pas, non, malheureusement. Non. Bon, vas-y, hein. Dis-lui les choses gentiment quand même, hein, Jérémy, hein, pas la peine de l'agresser. Ouais. Allô? Allô, Lucas? Ah, salut. C'est qui? C'est Jérémy. C'est qui? Ça commence bien, tiens. Ouais, toi. Ouais, nickel. En fait, faut que je te parle. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai remarqué depuis un bout de temps que t'essayes de... Voilà, que t'as un peu flashé sur moi. Mmh. Et en fait, je veux pas te vexer ni rien, mais en fait, moi, je suis hétéro. Je suis hétéro, et en fait, j'ai pas envie de sortir avec toi. Bah, si, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, et... Tu m'attires de plus en plus, enfin, c'est... Bah oui, moi je suis pas du tout gay, donc non, ça marchera pas entre nous deux, quoi. Ah, c'est chaud, quoi. Enfin, ça m'attire vachement, et c'est chaud de me dire que ça ira pas plus loin, enfin... Il va que je m'en pousse, mais bon, c'est... En fait, je veux pas te blesser, voilà, mais bon, voilà, quoi, ça pourra pas marcher entre nous deux, pas du tout. Pote, ouais, mais pas plus, quoi. Ouais, je sais pas. C'est chaud. Hein. Ouais, je vais pas te baisser, alors c'est pour ça, et puis je vais peut-être pas te le dire, et puis voilà quoi, donc Tu sais, je tiens vachement à toi, et aussi me dire que ça ira pas plus loin, je sais pas. Bah ouais, je suis désolé, hein. On va quand même intervenir à un moment ou à l'autre. Bon, allô, allô, Lucas. Brigade de répression. C'est raté, Polo, c'est dommage. Ça arrive. Lucas, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Sérieux? Ben oui, et il y a Jérém qui nous avait appelé hier là pour nous parler justement de ce souci là que t'étais visiblement en kiff sur lui et lui pas. Bon bah voilà, visiblement toi tu l'es complètement toi. Bah oui, c'est sûr. Bah ouais, mais là, si vous voulez sauver votre amitié, il va falloir que tu te fasses une raison, hein. Ah, je sais bien, mais bon. Bah oui, je sais bien, j'imagine. Ouais. Mais il y a aucun autre mec qui te plaît, Lucas? Bah non. Ah, sinon, on rencontre sur lui et c'est chaud de me dire. T'es aussi à Lunéville, Lucas? Oui. Ah, ah, parce que sinon, on peut te trouver un mec, nous, hein. On va gérer, hein. Bah, je sais pas. Bah ouais, de toute façon, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre, hein. Puisque là, enfin, tu vois, à la limite, c'est même pas comme si Jérém était gay aussi et qu'il était pas intéressé. Là, il y a peut-être encore moyen éventuellement de négocier. Bon, là, il est hétéro, là, hein. Mais il y a rien à faire, hein. Ah ouais, ouais, je sais, mais bon. Ah bah ouais. Si, il y a l'hypnose. Peut-être l'hypnose, ouais, va savoir. Mais non, il va falloir faire avec, malheureusement. Bon, en tout cas, Jérém, si tu veux qu'on t'aide et qu'on essaie de trouver quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, en attendant, bon, bah voilà, Jérém, au moins tu lui as dit, maintenant les choses sont claires. Ouais, voilà, au moins c'est passé, quoi. Voilà, au moins c'est clair. Parce qu'il voulait te le dire depuis la première fois où t'avais essayé de tenter un truc, mais il l'avait pas fait parce que c'est un idiot, hein, Jérém. Non, c'est vrai, non, hein. il a pas voulu le vexer. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, évidemment. Donc du coup, ben voilà, maintenant les choses sont dites. Maintenant, à toi de voir en tout cas. Hein. À toi de voir, Lucas, ce que tu veux faire. Si tu préfères couper les ponts en attendant, histoire de l'oublier, c'est peut-être ce qui est bien aussi à faire en attendant. Ou alors, si tu arriveras à prendre sur toi et à faire abstraction de tes sentiments. Bah après, j'ai vraiment envie qu'on reste amis, mais bon. Ça va être dur de. Bah au début ouais, maintenant ça va être dur jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un d'autre. Une fois que tu auras quelqu'un d'autre, ça ira très bien. Ah bah on va voir ça. Ah de toute façon, fais-moi confiance, ouais. Mais voilà, bon en tout cas, bah bon courage et puis bah merci Jérém de nous avoir tenu au courant. Ouais, de rien, ouais. Et puis vous restez bien là, on va vous filer une petite compile tous les deux, d'accord? Ok, merci. Salut à vous. Eh bah vas-y, mais il y a une seule personne, Jérém, tu connais la règle, hein. Ouais. Vas-y. Ouais, je voudrais passer une dédicace, bah vu que c'est qu'une seule personne, à un groupe. D'accord. Les Tarinements, ils en connaîtront, ils écoutent. Bah écoute, très bien, le message est passé en tout cas, il n'y a pas de problème. Salut à toi Jérém, salut Lucas. Je vais en faire une aussi. Hein. Ah bah vas-y, il y a une seule personne, Lucas. Hein. Ah, je vais en faire une à ma meilleure amie, Célia. D'accord, eh bah, on l'embrasse, il n'y a pas de problème, Lucas. Salut à toi, bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Enfin, je dis bon week-end alors qu'en fait, les gens ils travaillent demain. Hein. C'est juste nous en fait qui sommes des gens en mode week-end, c'est pour ça. Y a Quentin qui dit la bite où, Lucas? Ah bah voilà, tiens, Lucas, on a déjà quelqu'un si tu veux pour toi là. Attends, je te reprends là, Lucas. Oui. Ouais, on a déjà quelqu'un, il y a Quentin là du 54 qui est intéressé par toi là, ça t'intéresse? Bah au moins pour faire connaissance quoi. Bah n'importe. Ouais. Bah moi si tu veux, moi je te force pas, moi c'était pour rendre service hein, si tu veux pas, tu veux pas, c'est pas grave. Oh, pourquoi pas, bon bah très bien, bah voilà, Quentin, on va te fais-moi un mail mikael@funradio.fr et on le filera ton numéro ou ton mail à Lucas sans souci. Ouais, bon bah très bien, bah salut Lucas alors, hein, passe une bonne soirée, une bonne nuit même. Ah, merci vous aussi. Allez, à bientôt, ciao. Bah voilà, Quentin, le message est passé. Il y a petit panda qui dit Mickaël, je peux aller épiler le monsieur poilu que vous avez mis en photo, dis-moi oui, c'est mon kiff. Ah ouais putain, il fallait que je vous parle de ça, j'ai mis ça sur le Facebook tout à l'heure. Un mec mais d'une violence en termes de poils. Oui c'est bizarre. Non mais c'est exceptionnel, t'as l'impression qu'il a habillé en fait. C'est ouf. De poils. Allez voir, donnez vos avis, dites-nous aussi d'ailleurs si vous aimez les mecs ou les filles poilues, on sait jamais, il doit peut-être y en avoir aussi avec des trucs un peu particuliers dans la tête. Donc dites-nous si c'est votre kiff justement et allez voir la photo, laissez votre avis parce que c'est quand même assez exceptionnel. Facebook.com/Mickaël officiel, il y a Audrey aussi qui dit j'adore le YMCA, Madine Mignon. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Vanessa qui dit mort de rire, la musique de moi moche et méchant. Il y a Vanessa qui dit Mickaël, c'est chaud. Encore Rémi qui dit depuis mon arrivée en France, je passe mes meilleurs moments maintenant car je réussis mon intégration en France grâce à cette découverte de Fun Radio. Je ne peux plus m'en passer, vous êtes géniaux, félicitations à vous. Ben merci Rémi pour le message. Il y a quoi aussi, Charles Edouard sur Twitter qui dit moi perso je vais entendre un petit coup de Pipo Fun, ou encore Thibaut qui dit personne ne gueule s'il vous plaît parce que j'ai mis le son à fond dans mon casque. Évidemment, on n'est pas comme ça. Ah voilà. Maintenant tu es sourd donc tu ne pourras même plus nous insulter, il n'y a pas de problème. Martin également qui dit, quand je me fais chier, vous m'amusez. Bon, on est un peu là pour ça également. Et avant de se mettre la pub et avant de se mettre le son d'Avicii et Wake Me Up, on va faire un tour du côté de l'hypnotisation là. Alors comment ça s'est passé avec notre amie Mélanie, du coup, ça a marché, pas marché? Tu as joui? Oui, est-ce que tu as eu des orgasmes? Non, personnellement, ça n'a pas du tout marché. Ah, mais comment ça se fait? Pourquoi ça n'a pas marché, Chaff? Dans le micro. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus de temps. Ah ben vous aviez toute la nuit, hein, jusqu'à 2h du matin, hein, jusqu'à demain 6h, pas de problème. Non mais voilà, mais pourquoi? Parce qu'elle avait l'air un petit peu fermée, pas ouverte à l'hypnose ou... Un petit peu, mais... Faut savoir qu'il y a, tout le monde peut être hypnotisé. En fait, c'est un processus très naturel. Maintenant, je pense que le contexte fait qu'il faudrait peut-être un petit peu plus de temps et y consacrer un petit peu plus de temps. D'accord, parce que sinon, si tu veux, il y a quelqu'un qui est totalement ouvert, c'est Kelly qui est là. Hein. Et elle ne demande que ça, c'est de se faire hypnotiser, apparemment elle y croit. Donc si tu veux retenter ta chance, jamais, ça ira peut-être plus vite. On a de la puisque meuf, elle, elle a l'air plus plus ouverte. Je crois que tu avais quelques réticences quand même, Mélanie, non, en disant ça marchera pas, etc. Ouais. Alors que elle est à fond dedans. Donc bah écoute, si tu veux, chaf, comme ça au moins on aura une vraie. Bah hop là, hop, on y va. C'est parti. Oh bah t'inquiète pas, il y a Alex qui est là et puis il y a notre ami, notre standard, notre stagiaire qui est là-bas également. Et il sait ce qu'il attend s'il fait de la merde. Il sait ce qu'il attend justement. Au goulag. Exactement, il va aller au bagne, moi je vous le dis. Bon, donc du coup, bah tu retentes ta chance alors, chaf. Parfait. Très bien. Allez hop, on va essayer ça d'ici quelques instants. Et puis on aura aussi Nalia le retour là dans quelques minutes là. Nalia ? Oui. Bon, très bien. Nalia pour la petite colle, on va se la refaire une dernière fois la colle là avant d'envoyer la pub comme ça on fait le tirage au sort juste après, d'accord ? D'accord. Bon, allez, vas-y, refais péter la colle, on y va. Vas-y. Vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un. Mm-hmm. Qu'avez-vous? Voilà, une carte bancaire. Une carte bancaire. Aha. Non, visiblement, c'est un pas chèque. Le cas. Hein. Un chèque non plus, c'est pas la bonne réponse. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, là, vous avez 2 euros dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement maintenant Mickaël, espace la réponse par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique et vous risquez de repartir avec votre iPod Nano ou alors avec bah, tout simplement votre casque de DJ. Bon, à tout de suite, Nalia. Qu'est-ce qui t'arrive, Nalia? Pourquoi t'es mort de rire là? T'as réussi à jouir, toi. Nalia, c'est l'hypnotisation qui fait que. Hein, c'est chef hypnotiseur sexuel qui arrive. Jusqu'à chez toi là. Jusqu'à chez toi ou pas? Elle jouit là. Hein? Elle continue, elle jouit. Nalia. Tu as arrêté de jouir, oui? Attends, je pense que je peux faire mieux, je peux arriver jusqu'à l'orgasme là. Pardon. Non? Attends, peut-être que Polo avec le pipo. Vas-y, avec le pipo. Alors? C'est pas mal, elle joue. Hein. Ça a donné quoi? Elle lance. Attends, j'ai un meilleur truc, attends. Pardon. Le coup de fouet, ça a marché ou pas, Nalia? Ah ouais, ça fonctionne. Hein. Hey, on dit Fikiri, enfin bon, bref. Bon, Nalia, on va te laisser te remettre de tes émotions. Je sais que c'est difficile. Ne bouge pas de là. On va revenir avec toi et avec tous les autres. Hein. Si vous voulez parler avec nous ce soir, eh ben, c'est nos limites. Hein. Vous venez prendre le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h du mat. Vous appelez en direct 01 42 48 5000. Vous tomberez sur Alex au standard puisque Sandro est malade. Ce soir. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. On attend évidemment tous vos messages en direct. Et puis on va s'écouter le son d'Avicii. Dans un instant sur Fun Radio, Avicii avec Wake Me Up. Et je vous rappelle aussi que je vous offrirai tout à l'heure votre écran plat 40 pouces LED Full HD. Ce sera sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez venir nous rejoindre, facebook.com/mikaelofficiel. On fait le tirage au sort tout à l'heure. Et si vous êtes tiré au sort, c'est pas compliqué. L'écran est pour vous. Il suffit simplement d'aller faire un like sur sur la photo de l'écran, en fait, tout simplement. Voilà. On fera un tirage au sort parmi les likers sur Facebook. Allez, bonne chance tout le monde. facebook.com/mikaelofficiel. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900 sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est tranquille, ça y est, plus de pub pendant une heure sur Fun Radio. On est tranquille. Tu vois, c'est ce qui manquait. On est bien maintenant, on est à la cool. Effectivement, j'ai mis un petit coup à la pub là. On est comme ça, Lou. Voilà, on est tranquille maintenant. Ça, c'est la bonne nouvelle, effectivement. En tout cas, soyez les bienvenus. Si vous voulez venir prendre le contrôle de la radio, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Vous envoyez tout simplement votre message maintenant. Vous appelez le standard 01 42 48 5000. Et puis, il y a Thomas, il y a Tom aussi sur le Twitter là, qui voulait qu'on appelle Sandro. Mais il est malade. Mais oui. On va pas l'appeler, le roupie, là. Donc, on va pas la faire chier. Sinon, sinon dimanche, ça sera pas là non plus. Voilà. Donc voilà. Bon, en plus, sinon... elle a la diarrhée. Il y en a partout. Oh non, non. Mais ils veulent savoir. Ben oui, savez, voilà. Mais comme ça, vous savez. Il y a certainement une gastro. Voilà. Partout. Bah, exactement. Remuer la mer. Non, non, top, c'est bon. Bon, et puis je vous rappelle que dans moins de 6 heures également, maintenant, il y aura, il y aura tout simplement Bruno, le retour de Bruno dans la radio sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde. Nous en direct jusqu'à 2 heures sur Fun Radio. Feeling my way through the darkness. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio là jusqu'à 2h du mat. Et cherchez pas ailleurs, on est les seuls à vous tenir compagnie là jusqu'à 2h du mat tout simplement. Il y a Let's Be Freaks aussi qui dit au fait pourquoi Polo a choisi un Pipo Fun rose. Oui, c'est une question existentielle effectivement. Bah comme ça, écoute, tu l'en as vu hein, comme ça. Mais et oui, puis il a kiffé la miel rose. Et puis c'est aussi c'est quand même un cadeau, c'est un truc familial qui se transmet. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a Unreachable. Il tient de son grand-père qui lui-même le tenait de son grand-père. Exactement. C'est vraiment une longue famille quoi. Unreachable aussi qui dit ouf, je viens de rejoindre Mickaël et ce jusqu'à 2h, je sens que ça va être ouf. Bah écoute, on va tout faire pour. DJ Kylian qui dit t'as pas 2-3 secondes, 2-3 conseils de drague à me filer, Tof. Non. Ouais, mais vaut mieux pas hein, pour le coup. Hein. Thomas non, aussi. Après, je les ai plus pour moi et tout. Bah, c'est pas, ça. Je peux pas donner des ça. Conseils comme ça. Il y a Thomas aussi qui dit j'adore, je vous écoute et je me marre. Petit Panda qui dit moi je veux bien le prendre, le contrôle et en plus je suis sur Paris à partir de demain. Je veux une invitation. Je vous fais un gâteau avec plaisir, Petit Panda. Par contre, il faudra que tu viennes dimanche soir. Ouais, si tu veux, Petit Panda, mais avec plaisir. Guillaume aussi qui dit trop bon ce soir. Merci à toi, Guillaume, sur le Twitter. Il y a Judas aussi qui dit j'ai découvert Mickaël hier et c'est super. J'ai passé à tous mes potes et big up à vous et continuez. Eh ben merci Judas Nana. Et pour fêter ça, hop, lance flamme. Allez dans ta gueule. Allez, ah c'est allez hop, voilà, c'est tout nous. Ce que tu cherchais, tiens. C'est moi qui régale. Célia aussi qui dit Mickaël, vous m'avez détruit les oreilles, bande de tarés. Ah oui, c'est celui qui. Qui a fait ça? Bah quand on a crié là pour réveiller celui qui. Enfin pas réveiller, celui qui a dit criez pas parce que j'ai le casque à fond. En même temps c'est malin de nous dire ça, tu savais qu'on allait le faire. Jack aussi qui dit moi je regarde en premier son visage, comment il s'habille et son cul, Mickaël. Au passage dédicace à Hugo qui écoute et puis Léna qui dit vous êtes les meilleurs, la meilleure des radios, continuez et le pipo est mort de rire, bravo à toute l'équipe, merci en tout cas. Et Juro aussi qui dit tu es parfait, vous me faites trop rire, continuez comme ça, c'est gentil. Et Aurélien qui dit film culte en humour, La Cité de la Peur, votre émission est super. Merci. Oui c'est vrai, alors revenons là-dessus justement, tiens sur les films, on en parlait en début d'émission, quels sont les films qu'il faut absolument avoir vus, sinon, sinon vous êtes un ringard, vous avez raté votre vie. Alors en numéro 10 il y a Fight Club. Ah oui, extraordinaire. Si vous l'avez vu, Fight Club. Ouais. Numéro 9, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ouais, grand moment. Exactement, c'était en 2003. Ouais. En numéro 8, La Liste de Schindler. Ouais, magnifique. C'est voilà. Beau, c'est triste, c'est historique, c'est tout, quoi. C'est classe, c'est exactement. Beau, ouais. Et alors en 7, il y a Les 12 Hommes en Colère. Un film de 1957. Alors évidemment, tout le monde n'a pas vu. Hein. Je crois que c'est moi-même d'ailleurs. Moi-même d'ailleurs je l'ai pas vu. Alors The Dark Knight c'est en 6. Ouais. Et alors Le Bon, la Butte et le Truand c'est en 5. Exactement. Parce que Le Bon, la Butte et le Truand c'est un film pour nous. Mais que j'ai vu qui est très bon, je le mais ça ne m'étonne pas. Le Bon, la Butte et le Gland. Ça ne m'étonne pas, tu vois, très finalement. Grand film, ouais. Bon, continuez à nous donner vos avis. On va faire un tour du côté du Facebook puisque vous avez été très nombreux d'ailleurs à donner vos films cultes pour vous. On en parlera d'ici quelques instants. Il y a Coralie aussi sur le Twitter qui dit super Fun Radio, je vous écoute tous les soirs. Et Ludovic sur le Facebook qui dit vous nous régaler, continuer comme ça, et même Seb Pimenta qui dit c'est impossible de son histoire des 2 euros parce que si tu perds ta pièce 2 euros, et ben t'as plus rien. Bon, bah justement, ça fait peut-être partie de la bonne réponse, va savoir. Dodo qui dit allez dans ta gueule, Judas Nana. C'était par rapport au lance-flamme, ouais. Évidemment. Bon, alors attention, on a Jizz dans quelques instants là, qui voulait piéger son pote, là, toujours là, Jizz. Allô, ouais. Ouais, très bien. On va donc piéger ton pote dans quelques instants. En fait, c'est pas un piège parce que t'es en train d'essayer de te rassurer en disant on va faire un canular. Mais ouais, non, en fait, tout à l'heure, je me suis mal exprimé, c'est pour ça. Bon, parce que tu voulais l'appeler pour lui dire que t'as pécho sa meuf. Mais tu nous as dit que t'avais vraiment pécho sa meuf. Non, mais en fait, c'est juste un canular, c'est tout. Ah. Ça fait 4 mois la délai avec ta meuf et, d'accord. Bon, alors bouge pas Gis, on va faire ça dans un instant. Avant ça, on fait un tour du côté du studio 2 puisque dans le studio 2 il y a Chaff, notre hypnotiseur sexuel, et nous avons également Kelly qui travaille également et qui épaule Sandro au standard. Et donc on fait un tour du côté du studio. Ah, j'aime bien, c'est cool. Okay. Merci. Quoi, la jouie c'est super chouette. Et t'as eu beaucoup de réactions. Merde, putain, on a quand même raté ça. La jouissance. Voilà, t'as lu des SMS et oui, voilà. Vas-y, dis qu'il la fasse jouir là. Est-ce que t'en as pas vécu là? Pas vraiment. Orgasme, non. D'accord. Oh là là, on a loupé ça. On a tout raté? Ah ouais. Merde! Il fallait venir avant! Mais non, mais tu crois quoi que. Putain, on a tout raté! Non, arrête de parler dans le micro, ça gueule! Bah, baisse la. Oh là là là là! Alors, voilà, on a tout raté! J'étais bien là! On a tout raté! Bah oui, on a tout raté, ouais! Putain, je suis déçu là! Bon, on va prendre l'avis de Kelly qu'elle revient dans le studio. Alors, là, vite, là. On prendra son avis dans quelques instants du coup. Ah, déception totale du public. Hein. Déception totale. Déception totale. Bon bah c'est pas grave. Bon bah du coup raté. Oh merde, tu es vénère. Bon, ouais. Yannis qui dit bah Mickaël Paris, j'ai le casque à fond là pour pas louper quelque chose. Et pour mon film préféré, c'est Fast and Furious. Ah oui, très bon effectivement. Et Unreachable qui dit le bon, la pute et le gland, mort de rire. Oui bah écoute, après ça existe, hein, nous on n'y peut rien. Bon donc on a tout raté Tof alors. C'est de la merde, elle a joué, c'est de la merde, on a tout raté. Oh là là. Bon alors Kelly, il s'est passé quoi alors il s'est passé quoi? Attends quoi alors quoi? Rien, voilà, parce que c'est... Qu'est-ce qu'il raconte? Tu sens qu'il a joué ça, alors du coup il en peut plus l'autre, il est comme un ouf. Je vais m'assurer. Ouais c'est ça. Bon qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoute, il m'a mis dans un contexte où j'étais vraiment. Attends, bien. J'ai eu peur, il m'a mis. Non, il m'a décrit en tout cas. Et vraiment en fait. Tu vis la situation comme ouais. Si tu y étais et à un moment ça te procure du plaisir quoi. Ah ouais, pas vrai. Ah ouais. Non franchement c'est vraiment l'esprit qui joue. Ah ouais. et c'est vraiment bien. D'accord, bah, tu vois. Je suis étonnée de. Bah voilà, bah chef, t'as réussi finalement. Ouais, tu vois, c'est dommage Mélanie, la l'auditrice qui est passée nous voir, t'as raté quelque chose là. Ça c'est être trop fermé, hein, ça c'est. Si tu veux. Bah oui, oui, oui. Ah, on n'est pas tous pareils, hein. Bah non, non. En même temps, on était dans un studio aussi. Non, non, mais très honnêtement, je pense que c'est une question de contexte. Et que, un moment, tu m'excuses Mélanie, mais j'ai trouvé que t'es partie un peu vite. Comme si t'avais peur que finalement j'y arrive. Donc je pense qu'avec un petit peu plus de temps, dans un autre contexte, ça aurait pu marcher. Mais c'est parce qu'elle voulait son corps à Tof, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas gâcher. Mais je comprends. Je m'occuperai d'elle personnellement. Waouh, génial, quelle chance. Je lui réserve mes 10 doigts. Ah, waouh, classe. Et alors du coup, Chaf, donc si les gens ils veulent te contacter, comment ils font s'ils veulent essayer justement ça? Ben, m'appeler. Ou aller sur mon blog. Bah sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'adresse et ton numéro. Enfin peut-être pas ton numéro parce que sinon je vais avoir des gens qui vont te saouler. Mais en tout cas l'adresse de ton blog sur le Facebook, comme ça si jamais ça intéresse les auditeurs, bah, au moins ils peuvent te contacter quoi. Voire même ma page Facebook. Ouais bien sûr, vas-y balance, tu peux y. Bah Hypnose Érotique Paris. Hypnose Érotique Paris. D'accord, ok, très bien. Bon et c'est combien la séance si on vient de voir? Sur du ludique comme ça, c'est plus dans les 50 euros. D'accord, ok, très bien. Et ça marche, tu factures en fonction de l'orgasme? Genre tu prends 3 coca, tu payes 3 coca, tu prends 3 orgasmes, tu prends 3 fois le montant ou pas? Pardon. Je dis genre par exemple t'achètes des coca, t'en prends 3, tu payes 3 fois le coca. Là s'il y a 3 orgasmes, tu payes 3 fois plus cher ou pas? Non, pas forcément. Un tarif régressif? Non, pas forcément. D'accord, ok. Mais c'était pour savoir. L'orgasme va venir de toute manière. D'accord. Donc en fait c'est plus le temps passé. Qui Donc si on n'est pas à jouer, on paye plus. Voilà. Voilà. Au moins c'est dit. Non non. En fait, disons que c'est à l'heure. Il y a un tarif à l'heure. Et ensuite, de toute manière, bah, la personne vit ce qu'elle a à vivre. Moi, ce qui s'est passé pour Kelly, je sais pas ce qu'elle a vécu. En fait, celle qui m'a dit après qu'elle a eu du plaisir, mais sans forcément avoir d'orgasme. Mais j'ai pas vraiment eu un orgasme, non. Non, non. D'accord. C'est vraiment juste du plaisir, du bien-être. On y a passé en même temps peu de temps. Ouais. En fait, moi, je vois ça de l'extérieur. Je vois qu'il se passe quelque chose, je vois que la personne est excitée. Éventuellement... Tu veux, l'orgasme ne parvient pas jusqu'à moi. En fait, ça se passe vraiment à l'intérieur d'elle. De la personne. Donc, bon, pour moi, c'est la même. Hein. C'est juste le temps passé, quoi. D'accord, ok. Bon, bah super. Bah, on mettra la vidéo de toute façon, et puis vous verrez comme ça par vous-même. Et puis on mettra également le lien de Chaf là sur le Facebook, comme ça vous pourrez aller voir ça. Et puis si vous êtes dans la région parisienne, en tout cas, vous allez pouvoir également aller. De toute façon, on peut en trouver, j'imagine, des collègues à toi un peu partout. Bah, en fait, si on. Où c'est nouveau seulement et. À l'heure actuelle, ça commence à arriver, mais je connais pas trop de collègues. J'ai un collègue, c'est à Avignon. D'accord, bah c'est déjà ça. Oui. Très bien. Mais c'est le seul. D'accord, bah, Bah, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres au fur et à mesure, hein. J'imagine, oui, en tout cas. Oui, ça va venir vite. Bah, merci en tout cas, Chaf, d'être passé. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux, hein. Bah, ça marche. Pas de problème. Et tu peux faire ça pour les mecs aussi? Bien sûr. D'accord. Parce que toi, il aurait bien voulu essayer à l'occasion, mais pas sans voir. Mais je prendrai rendez-vous, moi. Voilà, en lui, fait, sur la page Facebook, il y a Gabriel Politis, qui est un ami canadien, qui a une vidéo. D'accord. Une démonstration, sur... On va la mettre? Oui. On va la mettre sur le Facebook, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Parfait. Bah, ça marche. Et bah, très bien. Bah, merci, Chef, en tout cas, d'être passé. Bah, et puis, bah, tu reviens quand tu veux, hein. Avec plaisir. À bientôt, Chef. Bon, ben voilà, ben voilà. Ben du coup, tu vois. Invité, hein. Avec grand plaisir. Merci d'être venu, surtout aussi rapidement. Et puis, ben Mélanie, malheureusement, elle restera sans orgasme ce soir. Mais non. Je suis encore là. Qui sait? Ah ben, va savoir. On sait jamais sur un malentendu. Va tout vous arriver. Il y a Marine qui dit sérieux, vous êtes extra. Super bonne soirée. Changez rien. Il y a Gabriel aussi. Putain, je suis vénère. On l'a pas entendu jouir. Ah putain, mais nous aussi, on est vénère. Ah, là, on est vénère là. Ah ouais. Antoine qui dit j'avais préparé les mouchoirs. Dégueulasse. Oh, il va falloir nettoyer là. Oh, dégueulasse. Il y a Elise aussi qui dit 10 doigts d'un coup. Ouais, c'est Toff qui avait dit ça, mais t'inquiète pas, il fait que s'emballer. Il y a de GamerFlogs aussi qui dit Mickaël. Et merde, je voulais branler sur l'orgasme de Kelly. Fais chier, en plus j'avais du sopalin là, je m'en suis mis de partout pour rien. Oh là là. Allez hop, on nettoie. On nettoie tout ça. Oh là là. On nettoie cette dégueulasserie là, il y a également. Là, ben ouais. Il y a Calypso qui dit je vous suis depuis lundi, trop classe l'émission, là vous êtes soit. Merci Calypso, sois le bienvenu et passe le message aux potes également. Hein. N'oublie pas de leur dire qu'il se passe quelque chose sur Fun Radio. Et d'ailleurs, de toute façon, il n'y a que sur Fun Radio qu'il se passe un truc le soir. Donc entre 23h et 2h du mat, évidemment, ouais, sur Fun. Et puis le dimanche à partir de 20h, il y a également un message de l'Afghan qui dit votre émission elle tue, merci à tous. Ben, merci à toi d'être là également surtout. Et puis Esteban qui dit je regarde en premier les singes chez les filles. Et mon film préféré c'est Projet X. Voilà. Et puis Petit Panda qui dit je préfère me payer un mec, humour. Je suis là, Petit Panda. Mais au moins t'es sûr d'avoir l'orgasme quasiment. Alors qu'avec un mec, tu vois, tu peux tomber sur un trou du cul. Imagine, tu tombes sur Toff. On sait jamais ce qui peut t'arriver. Hein. Ah, attends, il y a Chef qui est toujours là. Alors, en fait, là, on a vu juste un aspect de l'hypnose érotique. Il faut savoir que dans l'hypnose érotique, il y a aussi des suggestions accélératrices que l'on peut cacher dans du dirty talk, par exemple, ou ouais, alors juste de une communication, mais qui peuvent accompagner et justement accélérer, dans le cas d'une relation normale, quoi, entre un mec et sa copine, quoi. D'accord. Donc il y a différents aspects à l'hypnose érotique. Très bien. Bah, de toute façon, on mettra tous les détails sur le Facebook, comme ça, vous aurez tous sans problème, effectivement. Bon, donc je te remercie encore une fois, Chef, d'être venu. Et puis toutes les infos seront sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Avant de se faire péter le son de Carolina Marquez au cœur d'une heure sans pub, on va. Ah bah non, il n'y a pas une heure sans pub, autant pour moi. Je suis trompé. Ah bah bravo. Excusez-moi. Non, il n'y a pas une heure sans pub. Ah bon? Ah bah ce sont les choses qui arrivent, une petite erreur. C'était la minute sans pub, on s'est trompé. Oh ça va, ça arrive même au meilleur. Bon, ouais, on va prendre Nadia avec la colle. Toujours là Nadia? Oui. Tu t'es remise ou pas? Oui. Bon, tant mieux. Alors, on va appeler maintenant quelqu'un qui a peut-être la réponse pour la colle et qui repartira peut-être avec l'iPod Nano ou le casque de DJ. On y va, Nadia, c'est parti. On l'appelle si il ou elle a la bonne réponse. Ce sera gagné pour elle et perdu pour toi. Si elle ne décroche pas ou qu'elle n'a pas la bonne réponse, tu gagnes. Attention, c'est parti. Cette grande question, donc. Hein. Allô. Allô, bonjour, bonsoir. C'est Mickaël, ouais. T'es en direct sur Fun Radio. Comment tu t'appelles? Florian. Florian, très bien Flo. Et Florian, on a une petite question de Nadia, elle va te la poser là. Nadia? Oui. Vas-y. Bah, vous avez 2€ dans votre poche, vous en perdez un, qu'avez-vous? Alors, Florian? Bah moi, j'ai un trou. Oui. Bah voilà. Eh ben félicitations. Bravo Florian. Malheureusement, Nadia s'est perdue. Désolé, on va quand même te filer une compile fun, hein, de toute façon. C'est pas grave. Bah ouais, écoute, c'est pas grave. Nadia, je te fais quand même des gros bisous. Bah merci à vous. Ben je t'en prie avec grand plaisir et tu reviens sur Fun quand tu veux, Nadia. Oui, tu voulais dire un truc? Est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, au moins tu peux la faire. Tu peux la faire en entier, toi, comme t'as perdu? Bah, je fais une dédicace à toute l'équipe ZH. Très bien. À Kevin, Sabrina, Cédric, Mathilde, Axel et à tous ceux qui me reconnaissent. Et très bien. Parce que vous êtes génial. Oh, c'est génial, Nadia. Oui, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil, c'est une faute de français, Nadia, voyons. Bon, Nadia, je te fais des gros bisous quand même, d'accord? D'accord, merci. À bientôt, ciao à toi et Florian. Bah écoute, toi tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer le cadeau gratos, rapidos, d'accord? Ouais, pas de soucis, je te remercie beaucoup Mickaël. Avec plaisir, et n'oublie pas de faire la promo également à tes potes, hein, qu'on est là tous les soirs de 23 à 2h. Hein. Bah t'inquiète, je t'écoute depuis 8 ans, donc t'inquiète. Hein. Ah bah d'accord, ok, alors ça lance. Enfin, fais la promo quand même aux potes, hein, on sait jamais, il y a une petite qui connaissent pas, d'accord? T'inquiète, y'a pas de soucis. Bon, ça marche. Salut Flo, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, bye bye. On aura aussi dans quelques instants Manon qui va débarquer là. T'es là Manon, bonsoir. Bonsoir, oui, c'est ça, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, très bien. Bah bouge pas de là Manon, on va s'écouter le son de Carolina Marquez, d'accord? Okay. Parfait, on s'écoute Sing La La La maintenant sur Fun Radio et on revient juste après. C'est Mickaël Nolimit. Eh ben Carolina Marquez à l'instant sur Fun Radio, c'était Sing La La La. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nolimit. 02 851 4x0. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat là, avec plein de messages. Ouais. Yanis aussi qui dit moi mon film préféré c'est American Pie. Samia aussi qui dit moi c'est American History X. Mon film préféré pour Clément sur Twitter qui dit les 11 commandements avec la piscine. Elise aussi qui dit Star Wars en premier, c'est ça? Ah et ben tu ouais. verras dans un instant hein, tiens. Si effectivement c'est Star Wars qui est en numéro 1 puisqu'on en parle depuis tout à l'heure là, comme quoi s'il y a 10 films à avoir impérativement vu, sinon on considère que vous avez raté votre vie. Donc si vous êtes jeune, vous avez encore l'occasion de changer ça évidemment, sinon c'est mort hein. Moi c'est moi j'ai raté ma vie. C'est Unreachable qui avait envoyé le message. Alors il y a aussi Bilal qui dit je vous aime trop, restez comme ça, je vous kiffe. Il y a pas meilleur que Percy Jackson, c'est de la bombe. Ah ouais. Bah oui, Percy Jackson a filmé avec Fun Radio en plus hein. DJ Kylian qui dit on veut le pipo. Ouais, il va revenir le pipo. Tu peux nous faire la musique de Star Wars en pipo? Ouais, mais bien sûr, ça va. C'est un classique hein. Bah ouais, c'est un classique justement, c'est peut-être plus facile, ouais. Ouais, tout grand joueur pipo doit savoir le faire. Alors attention. Ouais, alors, écoute bien quand même pour ceci. C'est de la base de 16 avec une rythmique en 6, ouais. Très bien. Ok, ouais, non, mais il a raison. Évidemment. Bon, alors tu peux le faire, tu peux le faire la musique de Star Wars. Il est jaloux. Bah oui, mais c'est tombé. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Tu peux le faire au pipo alors. On y va. Alors, donc, la musique Star Wars. Hein. Donc, c'est ça quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. On y va. Alors, vas-y, attention. Je suis chaud là. T'es prêt? On y va. 3, 4. La ressemblance est incroyable, la ressemblance est exceptionnelle. On peut demander à Mélanie d'ailleurs ici présente, hein, Mélanie qui est à côté de Polo, qui voit ce magnifique pipo rose. Bien collé même. Ouais. Alors, vous voyez pas, mais elle me touche la cuisse. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, c'est parce qu'elle kiffe les mecs qui jouent du pipo rose. Et elle veut atteindre le pipo, mais elle ne l'aura pas. Mais. T'as remarqué que plus l'émission avance, plus il se rapproche. Oui, c'est vrai. C'est elle qui se rapproche, mais la raison, je ferais pareil. Je serais une fille, je me rapproche. Ouais, bah dis donc, si tu avais mauvais goût, tu vois. Hein. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Mélanie? Il a quand même un grand talent. Un très, très grand talent, ouais. Voilà, c'est non, ça. Non, et ce pipo rose, justement, est-ce que tu le vendrais à une autre radio ou pas? Parce que j'ai eu des propositions d'autres radios. Moi, je garderai. Tu garderais le pipo rose? Bon bah écoute, je sais pas, je vais voir. Si elle pouvait, elle garderait Polo aussi. Hein. Ouais, mais on verra. Toff est jaloux. Ouais, je suis clairement jaloux. Attends, elle vient pour moi, elle part avec lui. Elle part. Elle a dit, y a pas que Polo, elle a dit. Ah, c'est vrai. Vous allez peut-être finir un truc à trois et savoir. Ah bah écoute, moi je suis d'accord. Depuis quand Polo veut me serrer. Ah, quelle bande de porcs. Il y a Lucas qui dit Mickaël et la team, vous êtes les rois de la night. Perso, moi j'ai toujours branché, je suis toujours branché sur Fun Radio tous les soirs. Ouais. Je vous écoute, je vous adore. Merci Lucas. Et alors Bubu aussi qui dit dédicace pour mon pote Dani Enzo, Théo, etc. Il y a l'équipe de Fun Radio, merci. DJ Kylian qui dit on veut le pipo. Bon, on vient de le mettre le pipo là justement. Bon, on va prendre Jis dans un instant pour faire la vanne à son pote là. Jis. Ouais. Est-ce que t'as entendu parler de ce truc de ouf à Marseille là? De quel truc de ouf? Ben en fait ils demandent à Batman de venir lutter contre le crime en fait. C'est sérieux. Et apparemment c'est tellement le bordel et comme la police s'en sort pas en fait, il y a un collectif qui appelle Batman. Non, mais c'est ouf. Et comme vous c'est complètement dingue. Ah ouais. Et comme vous le savez, j'ai le bras long justement et Batman est avec nous ce soir. Je suis Batman. Non, bon, en fait. Qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais justement. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Exactement. Voilà, c'est ça. Non, on fait de la rage. Polo? Oui. Tu me veux, je suis là. Comme visiblement t'avais envie de toffe, je me suis dit peut-être que tu préférerais Batman. Non, le petit côté cuir, ça t'excite moins? Mais oui. C'est pas du cuir. Alors tu vas m'adorer. Tu vas m'adorer. Alors tu vas m'adorer. Voilà, exactement, c'est beau. Est-ce que tu peux enlever ta main de Mike Swiss, Mélanie? Bon, si vous avez des numéros à Marseille, on va essayer d'appeler des gens dans un instant, mais vu l'heure qu'il est, on a peur que ça décroche pas. Donc si vous connaissez des gens à Marseille qui sont encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas à nous proposer les numéros de téléphone, hein, on va appeler dans un instant, Toff. J'en ai un si tu veux. Ah, parfait, bah tu vas pouvoir le donner à Toff, on va essayer de l'appeler dans un instant. Donc bah, vous donnez vos numéros maintenant, vous envoyez votre message, vous envoyez Mickaël, espace le numéro, ou 64 900, ou alors depuis la Belgique, au 30 44. Bon, Jis. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va appeler ton pote dans un instant. Rappelle peut-être un petit peu le délire. Quelle est l'histoire exacte? On appellera d'ici quelques minutes. En fait, le délire, c'est que ça fait 4 mois qu'il est avec sa meuf et j'aimerais bien lancer le délire qu'il y a une semaine. En fait, je suis allé dans un festival et j'ai couché avec elle dans la tente à côté de lui. D'accord, ok, très bien, parfait. Mais il va être vénère, t'es conscient qu'il habite loin de chez toi ou pas? Non, il habite juste à côté de chez moi. Ah bah oui. Bah parfait, comme ça il va descendre, il va te mettre une patate dans la gueule, tu vas voir, t'auras même pas le temps de t'expliquer. Ah bah nous, oui, toi moins, mais nous on va bien se marrer, hein, ça, à ce niveau-là, on est tranquille. Bon, on fait ça dans un instant après la pub. Gis, reste avec nous, on a déjà le numéro de ton pote, c'est parfait. Et puis on a Manon également d'Avignon, là, ça va Manon? Oui, oui, ça va. Oui, oui, très bien. Alors Manon, on parle de quoi avec toi? Dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Ben moi en fait je vous appelle parce que je suis en couple avec un gars et une fille comme j'ai dit. Et ouais, alors, avec Loulou et Chouchou et Loulou? Ouais non mais avec Bah quoi, je vois pas ton problème. Oh je l'avais pas pigé tout de suite. Bah quoi, un gars et une fille, bah oui, c'était tellement simple. Bon, donc du coup t'es en couple avec un mec et une meuf, ouais soit, et après? Ouais voilà, c'est ça. Et donc en fait j'hésitais entre les deux. Ils viennent de comprendre et la vanne au standard. Ah, et t'hésites entre les deux? Ouais, voilà. Mais enfin, tu devrais quand même. Enfin, t'es une fille, tu devrais quand même savoir si t'es plutôt attiré par une meuf ou plutôt attiré par un mec. Ouais, mais non, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, avant de me mettre avec ma meilleure amie, j'avais des vues sur le garçon avec qui j'étais aussi en ce moment. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah alors très bien. Bah alors bouge pas, Manon. On va réfléchir à ça dans un instant. Est-ce que vous avez déjà eu le coup, justement, tiens? Est-ce que vous avez déjà eu, un moment ou un autre, eu tendance à kiffer un mec ou une meuf, plutôt l'un l'autre? Comment est-ce que vous avez fait pour choisir, justement? On reparle avec Manon dans quelques instants. Et puis, bah, Tof, je propose qu'on appelle, enfin, un premier appel du côté de Marseille. Allô, Marseille. Allez, on va appeler à Marseille pour leur proposer Batman. Mais oui. Bah voilà, Batman puisque. Va les sauver. Et puis, apparemment, c'est la galère au niveau de Marseille. Oula, sa gueule. C'est la galère au niveau de Marseille, donc on va leur proposer. On va leur rendre service. On va essayer. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle au sujet du Batman. Batman? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il a? Ben, il va venir aider les Marseillais, ça y est. Hein? Je dis, ça y est, il va venir aider les Marseillais. Ah, d'accord. Voilà, donc je vais vous le passer, vous allez lui expliquer ce qui ne va pas. D'accord. D'accord, je vous le passe, hein. Merci. Je suis Batman. Tu me veux? Je suis là. Ah non, visiblement, elle te veut pas des masses, là. Bon, on la rappelle? Ouais, vas-y, rappelle. Attends, on va rappeler. On va rappeler directement. Je crois qu'elle a pas compris. Peut-être qu'elle a mal entendu Batman. Bah oui. Pourtant, on a quand même une star avec nous. C'est ça. On a pas Batman avec nous tous les jours, quoi. Ça veut dire. Il va la sauver? Ou pas? Allez, à Marseille, là. Marseille? Allô? Ah. Oui, excusez-moi, mais nous avons été coupés. Oui, c'est qui? Ben c'est Batman, je vous repasse Batman. Ah, d'accord. Voilà, hein? Voilà, voici Batman. Je suis Batman. Il va bien, je Batman? Je ne suis jugé que par mes actes. Voilà, nous va faire Batman. Vous êtes qui? Je suis Batman. C'est qui Batman? Tu me veux? Je suis là. D'accord. Ah ben voilà, il est raccroché, donc c'est parfait. Hein. Bon allez, on rappelle tout à l'heure du côté de Marseille, là, si vous avez des numéros, allez-y, n'hésitez pas à les balancer, évidemment, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va revenir avec, dans un instant, Gis sur Fun Radio, et puis bougez pas, on se met la pub en speed, et on revient dans même pas une minute sur Fun. Prenez le contrôle, 02 851 4x0. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Eh ouais, on est en direct sur Fun Radio, là. Allez, venez, ouais. venez. On est là jusqu'à 2h du mat avec dans un instant justement Gis, là, qui voulait piéger son pote. On va le faire dans un instant. On a Manon également qui sait pas trop qui choisir entre son mec et sa copine. Elle a pour l'instant un plan à plusieurs et donc du coup, bah, elle veut en choisir un des deux. Donc si vous êtes déjà eu, peut-être tombé dans le cas justement, eh ben venez nous en parler maintenant. Voilà, il y a Colin aussi sur le Twitter qui dit: j'aimerais t'entendre la douce voix de Batman dans mon téléphone. Et bah peut-être Colline va t'en savoir. Anto aussi sur le Twitter qui dit: fille, je suis en couple avec un gars et une fille, Mickaël, avec Chouchou et Loulou, mort de rire, j'aurais pas osé. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Non, est-ce que je ne comprends pas. Ragnou aussi sur le Facebook, il dit: vous êtes trop géniaux, je vous adore, vous rendez mes nuits plus fun maintenant. Et bien cool Ragnou, avec plaisir. Florent aussi qui avait envoyé message: vous me faites taper des barres avec le pipeau, continuez comme ça. Et Eliott qui dit: oh non, t'avais pas le droit à cette vanne, je kiffe votre émission, je l'ai découverte il y a 3 trois jours et j'en peux déjà plus. C'est Emilien. Bah merci Emilien en tout cas, et continue à rester à l'écoute de Fun, et surtout n'hésite pas à prévenir tous tes potes qu'on est là. Il se passe qu'une seule chose la nuit, hein. C'est sur Fun Radio que ça se passe, entre 23h et 2h du mat, et puis bien sûr le dimanche soir à partir de 20h. On s'écoute le son de Michael Moore maintenant, c'est Can't Hold Us. Bonsoir et bonne nuit tout le monde. Qu'est-ce qu'il est bon le son de Michael Moore à l'instant, c'était Can't Hold Us sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël 3044 sur Fun Radio. Et on salue également tous les nouveaux abonnés là qui viennent de débarquer là. Enfin les abonnés, c'est pas Fun Radio, c'est pas devenu une radio payante, hein, c'est pas ça, hein. C'est par rapport à ceux qui font un follow là sur le Twitter. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter pour nous rejoindre. Évidemment, si vous me faites un petit follow, eh bien je ferai pareil dans l'autre sens, bien entendu. Il y a Dan qui vient d'arriver, il y a Fallen Black Alien également, il y a Lila qui est là également, Lessilu 66, il y a Baptiste, il y a Raphaël, il y a Mickaël non officiel. Qui est con, Mickaël, c'est l'officiel, c'est rigolo. C'est là qu'il y a toutes les infos en sous-main. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a Patricia également, il y a Laura, Valérie, Timothée, Mathéo, Marvin, il y a Robin également, il y a Simon et tous les autres. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Ça se passe sur Twitter, ça se passe sur Instagram. Vous me faites un follow et je vous fais un follow également. Donc, je vous suivrai pareil, bien entendu. Donc, attention, si je vous follow, postez des trucs intéressants, hein. Ah bah non oui. Mais c'est vrai, parce que sinon après il va y avoir plein de trucs et voilà, si c'est des trucs chiants, ça va être relou pour tout le monde et moi en premier. Donc voilà, donc si vous voulez, donc Mickaël officiel, n'hésitez pas. Et je vous rappelle également, puisque dans à peu près une heure maintenant, on arrivera à la fin de l'émission et surtout on va tirer au sort pour vous offrir votre écran plat, l'écran 40 pouces Full HD LED que je vous offre donc ce soir. Il suffit simplement d'aller sur facebook.com/Mickaël officiel, sur le Facebook de l'émission en fait tout simplement. Et si vous faites un like sur la photo où il y a l'écran, quoi, l'écran, tout simplement, la photo de l'écran, eh bien, on fait un tirage au sort parmi, justement, les photos. Donc voilà, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, guettez bien également votre boîte de messages privés sur Facebook, puisque on vous demande évidemment votre numéro. Donc, faut répondre directement pour nous donner votre numéro. Parce que j'en ai parfois le lendemain qui disent, j'ai gagné! Parce qu'on m'a envoyé un message. Bah, mais il fallait répondre tout de suite, mec, il suffit que je te dise. Donc, si vous êtes debout, faites un like, même si vous voyez qu'il y a plusieurs milliers de likes sur le Facebook. Tous ne vont pas répondre à cette heure-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez toutes vos chances. On a déjà 100 qui n'ont pas répondu. Bah voilà, c'est pour vous dire. Donc facebook.com/Mickaël officiel, venez nous rejoindre et faites vos likes. Petit Panda qui dit aussi, Mickaël, sans vous, mes soirées ne seraient pas aussi parfaites. Oh, Petit Panda. Oh, mais Petit Panda, sans toi, notre dimanche ne serait pas aussi parfait, puisque tu vas nous rapporter un petit peu de gâteau. De la bonne bouffe. Paraît-il, j'attends ça avec impatience. Ouais. Et Mickaël, non officiel, qui dit, oui, je te kiffe, Mickaël. Bah c'est gentil, en tout cas. Il m'a bien fait rire ton pseudo, en tout cas. Jack aussi qui dit, ça va être galère les réveils à la rentrée, me coucher tous les soirs à 2h parce que je vous écoute. Oh, t'inquiète, on s'y fait, hein. Tu fais une sieste l'après-midi, tu vas être bien, t'inquiète. Et puis David aussi, une sieste en cours. Bah oui. David qui dit, il n'y a pas meilleure radio dans le monde, je vous adore. Et puis Elise qui dit, ah si, Mickaël, lis ce que je poste, je suis dans la merde. Mais oui, je lis vos posts, évidemment. Et si je ne lis pas à l'antenne, je les lis hors antenne, rassurez-vous, parce qu'on n'a évidemment pas le temps de lire tous les posts, bien sûr. Bon, avant d'appeler de nouveau à Marseille, puisque vous avez été nombreux à envoyer vos numéros, on va prendre 10 maintenant pour appeler son pote et faire. Bah, y faire de la merde, au final, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, au cas où ça part en couille, j'ai le lance-flamme. Ça, c'est bon, là. Ah, bah, alors, c'est bon, je suis en sécurité. Alors. Voilà, ouais, au cas où ça part en couille, il y a également des potes qui sont là. Ouais, il y a tous mes potes là dans mon portail, au pire. Ouais, mais voilà, et au cas où ça part vraiment en couille, on peut également chanter. Ouais, voilà. Ouais, c'est la meilleure solution, je pense. Bah, je pense aussi. Bon, on a également, évidemment, le Pipo qui est là, bien entendu. Bon, alors, Gis, on va donc appeler ton pote. Il s'appelle comment, le pote? Il s'appelle Johan. Johan, très bien. Donc, il est avec une meuf depuis 4 mois. Tu vas lui faire croire que tu t'es pécho la meuf, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, et c'est quoi l'histoire? T'es censé l'avoir pécho où ça, la meuf, tout ça? Explique-nous un peu plus en détail. On était tous dans un festival il y a une semaine à Saint-Etienne. Et lui, il a oublié, en fait, 8 heures de sa soirée, en fait. Et je vais lui dire que pendant 8 heures qu'il a oublié, bah, moi. Non, il a oublié sa meuf? Non, bah en fait sa meuf elle a dansé avec moi et moi je vais lui dire que dans la tente à côté de lui, bah je me laisse faire. Oh, quelle violence. Très bien, bon écoute, on va l'appeler, on va voir comment est-ce qu'on peut s'immiscer dans la conversation, on trouvera bien. Mais si on te parle, évidemment, tu nous réponds bien sûr comme si on était l'un à côté de l'autre. Dirait, okay. Ouais, bon, on verra, t'inquiète. Ah, au pire, on a le pipeau. Hein. Voilà, bon, allez, c'est parti, on appelle Johan, vas-y, Gis. Et si t'es bon, on n'est pas à l'abri de t'offrir un truc. Ok, c'est parti. Peut-être un pipeau rose, va savoir. Oui. Veuillez consulter le service des renseignements. Le numéro n'était pas attribué, et ça, j'ai envie de dire, c'était le meilleur canular qu'on ait fait ce soir. Bravo. Oh là là, j'en ai pleuré de rire, là. Exactement. Je me suis pissé dessus. Et pour. Attends, Gis, tu repasses le standard, on va prendre la. Le bon numéro. Le bon numéro, ça pourra nous aider, je pense. Tiens, on vous passera aussi DJ Antoine dans un instant, tiens. Il y a Dams aussi en attendant sur le Facebook, il dit Mickaël, tu déchires-toi, franchement je bosse la nuit, vous écoutez, ça me fait un bien fou au mental. Ouais. Ah bah écoute, avec plaisir Dams. Hein. Et alors Thomas qui dit Mickaël, j'ai le même t-shirt que toi. Ah oui, c'est vrai, on a fait une photo en début d'émission, effectivement, qu'on a mis sur le Facebook. Eh bah oui, écoute Thomas, bah, c'est bien, comme quoi tu as bon goût, je te félicite. Et petit panda qui dit Mickaël, moi pas besoin de cadeaux, mon cadeau, je l'ai en vous écoutant. Oh. Oui, c'est vrai, petit panda, je te remercie, mais si tu viens avec un gâteau dimanche soir, ce sera un beau cadeau pour nous. Petit panda. Voilà, mais c'est gentil de nous écrire, cela dit au passage. Hein. Bon, alors, Gis, c'est bon, on a le bon numéro là ? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Bon, parfait. Pourtant, Sandro est malade. Hein. Je pensais qu'on ferait pas d'erreur ce soir, mais non. Ouais, comme bah, quoi, ça hein. fait, ça fait. Ah bah voilà. Bon, on y va. C'est parti. On rappelle du coup, on rappelle le Johan, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Parfait. Allez hop, c'est parti. On y va. Déjà au moins ça sonne. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Et Élise qui dit je bois mon thé à la menthe avec à votre santé avec mes petits allô. Chats. Très ouais, bien. Allô. Yo. Ouais. C'est 10. Ça va ? Ouais toi. Ouais, pourquoi tu m'appelles un inconnu, gros ? Ouais, parce qu'en fait, c'est même pas avec mon portable, parce que je t'appelle, c'est avec un autre portable. Tu vas bien ? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, en fait, c'était pour dire un truc. T'en souviens, tu sais, que t'avais oublié 8 heures de ta soirée, samedi dernier ? Ouais, bah ouais. Ouais, bah, tu sais, j'étais en train de danser avec ta meuf. Ouais. Et t'as vu comment elle était avec moi pendant la soirée et tout, enfin, on s'est bien parlé et tout, tu sais. Ouais, mais même quand je t'ai dit, tu sais que, enfin voilà, quand t'es une bonne pote à moi et tout, c'est tout. Et bon, t'as vu, j'ai commencé à boire et tout, et être pareil. Et pendant que t'étais allé dormir, et ben, dans la tente à côté, ben, on a commencé à faire des choses, quoi. Non, mais t'es sérieux, là? Bah ouais, mais tu sais que tu te fous de ma gueule. Non, non, franchement, non, mais t'es sérieux? Ouais, bah normal, mais tu sais que c'est elle qui a commencé, franchement, à me chauffer. Oh, ça va si c'est elle qui a commencé. Ouais, mais ça va, c'est toujours comme ça, avant, mais tranquille, elle m'a dit... Ouais, mais t'as vu comment elle s'est fait avec moi et tout machin, elle commence à me griffer avec d'eau et tout ça, machin, pendant qu'on en fait et tout, elle commence à me coller pour tirer. Mais même, tu crois, c'est mon meilleur pote, tu me fais ça, mais tu t'en rends compte ou pas? Bah ouais, mais écoute-moi, bah... Tu peux le dire à ton pote, hein. On se voit maintenant, tu viens me dire en face, Pelo, tu m'appelles comme ça, c'est pas ton numéro. Oh, Gis, tu peux le dire à ton pote, moi j'étais témoin, je l'ai bien vu qu'elle t'avait griffé le dos, hein. C'est elle qui t'a chauffé, hein. Ouais, t'as vu, gros, il veut même pas me croire, yo, crois-moi. C'est avec toi, là. Non, vas-y, moi, si tu veux le pas, je m'explique, hein, c'est vrai, en plus, hein, vraiment, c'est elle qui t'a chauffé. Vas-y, dis-moi, ça va. Ouais, mais attends, en fait, je vais t'expliquer, et en fait, après, dans la tente, moi, je voulais pas vraiment, et elle a commencé à me gratter, mais comme, franchement, on m'a jamais gratté comme ah ça. Ah ouais, c'est elle la biatch, Ouais, t'inquiète. Ouais, ta merde, moi. Ouais. Non, mais vous êtes sérieux, là, mais, oh, vas-y, viens me voir, là, maintenant, tout de suite, tu vas voir, on va s'expliquer, là, mais écoute, ils ont 21 ans, là, tout de suite, tu sais où j'habite, Pelo, on habite dans le même village. Bah viens, il y a ta meuf qui va passer chez moi là si tu veux, bah on fait un petit coup. Mais c'est toi là, oui, tu veux. Oh c'est la biatch, c'est la biatch, Adjis, ça te fait pas avoir, c'est la biatch. Ouais. Normal, ouais, on s'appelle si tu veux, et normal, ta vas-y, meuf. Vas-y ma gueule, Ah putain, mais tu sais que t'es cher à Zep toi, mais Pélo, mais j'y crois même pas. Ouais, cher à Zep. Oh, vas-y, vas-y, passe-la moi, attends une seconde, là peut-être. Elle va arriver là, non? Elle arrive dans combien de temps là? Ouais, elle devrait pas tarder là, franchement, dans une demi-heure, elle devrait pas tarder, yo, franchement, passe à la maison si tu veux. De quoi elle devrait pas tarder, tu te fous de ma gueule? Non, elle va arriver là, ta meuf, elle va arriver, ta copine. Ah, quelqu'un qui vient sonner là, hein. Ouais, bah, bon. Attends, bah, vas-y, Gis, moi je reprends, Johan là. Pélo, c'est mon meilleur pote, tu me l'as fait à l'envers comme ça. Mais viens, tu sais où c'est, chez moi, viens. Vas-y, on est là. Attends, vas-y, rentre, Marie. Bah, vas-y, bah, va lui ouvrir, Gis. Allô? Ouais, c'est Johan? Ouais. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, t'es qui? Ouais, c'est Michel, tranquille ou quoi? Mais Pelo, fous-toi de ma gueule, en vrai, t'es qui? Bah, je m'appelle Michel, ouais, je suis un pote de Gis, là, moi, je l'avais vu et tout, la copine, la fois passée. C'est franchement, ouais, sur la vie de ma mère, c'est elle qui a cherché, hein. Oh, ouais. Lui, il a rien fait, hein. C'est quoi, c'est une vieille salope, j'ai besoin de tromper cher des fois, que ça prenne cher dans le cul par cher des Pelo, je m'en bats les couilles. C'est quoi, maintenant, je l'avoue, j'ai déjà trompé une fois, c'est quoi, elle m'a saoulé, la meuf, c'est quoi, elle fait la meuf, c'est... j'ai pas envie de la faire avec toi, mais c'est quoi, je vais charniquer par derrière aussi. C'est quoi, fais-toi plaisir, nique-la, cette vierge, c'est quoi. Ah mais moi, moi j'ai rien fait, hein, moi j'ai rien fait. Attends, je te repasse Gis là, parce qu'apparemment elle est arrivée là. Ah, c'est vrai que j'avais mal vu là, mais effectivement, c'est du gros dossier, hein. Une belle biatch. Attends, biatch, attends, je vais la prendre. Ouais, un avion de chasse, hein, t'as vu. Ouais, non, mais vas-y, garde-la pour toi. Garde-la pour toi. De quoi? Ah, mais gardez-la pour vous, c'est bon, cette meuf, j'en veux plus. C'est quoi, t'as une salope? Tu l'as pris, il arrête de te bouger dans les murs là. Ouais, ouais, ça va, elle est tellement bolasse là. Ah putain, c'est bon, ça, elle part avec Michel là. Allez, vas-y, tu sais quoi, mes pélos. J'y crois pas. Vas-y, viens là. Viens, c'est quoi, on va se voir. C'est quoi là, je suis sur la route, je vais vers chez toi. Vas-y, j'arrive, gros. Oh putain, il y a encore quelqu'un là, il est déjà là ou quoi? Non, vas-y, si tu veux, viens, il peut venir, hein, si tu veux. Mais le problème, vas-y, c'est qu'il connaît pas mon adresse. Non, mais c'est quoi, mais je vais te niquer ta mère, c'est quoi, mais je viens tout de suite, je suis sur la route. Attends, vas-y, parce que. Yo. Quoi? Eh, bien ou quoi, tranquille, reste calme, mon frère. La pêche, regarde la pêche. Vas-y, on est à la cool, mais bah, gueule, parce qu'on est chez moi là, t'sais pas où j'habite là, tu vas venir, on est même pas où j'habite. Mais Pélo, j'ai versé 10 là, elle est pas chez lui à cette heure. Mais non, on est chez moi là. Allez, c'est ça, Pélo, comme tu allais croire. Mais c'est Michel. Je sais même pas qui t'es, Michel, je sais pas qui là. Mais justement, moi c'est Michel, on se connaît pas, moi je connais ta meuf parce que. Enfin voilà, je sais que je préfère pas t'expliquer, mais voilà, je la connais. Ah, mais vous êtes à la zeub en vrai, hein. Ah non, mais attends, c'est pas grave. En plus, il m'a dit Gis, t'es avec elle depuis 4 mois, vas-y, on s'en fout. Bah ouais, vas-y, fais tourner, vas-y. Non, mais sérieux, on s'en fout, tu vois. Non, mais toi encore, je te crois pas. Peut-être Gis, c'est un moyen, c'est quoi, on va t'expliquer demain. Ah yo, il y a pas que moi qui est tourné dans la tente en plus. Gis. Ouais. De toute façon, il m'a dit tout à l'heure au téléphone là, il m'a dit qu'apparemment il l'avait déjà trompé donc il s'en branlait. Alors tu vois, nous on peut continuer, on s'en fout. Hein. Ah mais tu sais quoi, maintenant je m'en bats les couilles, la meuf elle m'a fait ça à l'envers, c'est quoi, si c'est vrai ou pas, je m'en bats les couilles, maintenant je la lâche, c'est vrai ou pas. Ouais, mais toi tu l'as déjà trompé ou pas, yo? Bah ouais, j'ai déjà trompé. Maintenant tu l'as déjà trompé, Marine, tu vas me dire. C'est chaud. Eh mousse. Mais t'es sérieux là? Non mais il est parti là, il est tellement sérieux, il est parti. Alors deux solutions. Et je fais bien mousse ou pas? On a le numéro de la meuf ou pas? Alors ouais, ok. Oh non mais non, arrête. Est-ce que vous voulez qu'on appelle la meuf en même temps qu'on la fout au milieu? Non, faut pas. Ouais, mais ça se trouve, mais Gis, t'es conscient que tout le monde écoute Fun le soir là? Ouais, c'est un truc de. C'est un coup, elle est en train d'écouter Fun, elle est en train de. Exactement, Gis. D'ailleurs, elle est au standard, on te la passe. Mais comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Marine. Marine, mais comme ça au moins, voilà, comme ça au moins. Comme ça au moins, on sait, hein, c'est pas mal. Il y a Mister Steven qui dit alias Michael alias Michel qui fout la merde dans l'histoire, c'est trop fort, mais la pauvre, elle a rien fait, elle s'en prend plein la tête. Pauvre enfant. Ouais, c'est vrai que pour le coup, elle a rien fait, alors ton pote, il l'a déjà trompé en plus, là, qui a foiré. De maladie, crois pas du tout. Non, mais en plus, il l'a déjà trompé en plus, ou alors il a dit ça par rage, tu crois? Bah, franchement, j'en savais pas du tout, tu vois. Mais elle est bien physiquement, là? Elle est bien ou pas? Bah ouais, franchement, elle est vraiment pas mal. Non, je crois qu'il est vénère. En fait, il est tellement énervé qu'il dit n'importe quoi, en fait. Ouais, je pense. Vas-y, prends-le, Ouais, j'en aurais rien à foutre. Ça arrive et tout, mais franchement, ça peut être le mec comme ça, parce que je crois bien qu'il a. Enfin, je pense que ça aurait été possible qu'il l'aurait. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un, s'il y a un auditeur qui veut participer avec nous. Ce serait sympa. Ah ouais, ceux-là qui veulent participer, qui veulent faire la fête, n'hésitez pas. Brûle, hein. Et on lui brûle la gueule, on l'enfonce. Exactement. La main, alors à la fin, c'est quoi le problème? C'est quoi ça? Voilà, 01 42 48 5000, appelez-nous là si vous voulez foutre la merde avec nous. Là, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et si vous voulez nous appeler pour autre chose, évidemment, vous êtes les bienvenus. Bon, Gis. Ouais. On le rappelle? Bah alors, on va rappeler You. Ouais, on va le rappeler, ouais, c'est ça, ouais. Allez, c'est parti, ouais. Bon, attends, c'est parti. Hop, on y va, on rappelle, on recompose là. Non, tu sais quoi? Ouais. On va le rappeler, mais après, dit Jean-Antoine. On dit quoi? Je dis, on va le rappeler, mais après, dit Jean-Antoine. Jean-Antoine? Non, ouais, on va mettre Antoine, voilà, c'est ça, on va mettre Jean-Antoine. Okay. C'est qui passe, t'inquiète. Voilà, c'est Jean-Antoine maintenant, tiens. C'est Fun Radio, dit Jean-Antoine, à l'instant, c'était Belle la Vita. Un truc à dire. Mika-L, appelez Mika-L. Nos limites. Bon. 02 851 4x0. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun, là. On est en direct jusqu'à 2h du mat avec tout à l'heure le tirage au sort, là, sur le Facebook pour savoir lequel d'entre vous repartira avec l'écran 40 pouces LED Full HD que je vous offre. Donc, si vous voulez le choper, bah, c'est l'occasion, hein. Venez nous rejoindre facebook.com/Mika-L officiel. Et puis, je vais vous mettre la photo aussi parce qu'il y a Mélanie, donc l'auditrice qu'on avait hier au téléphone, là, qui était à la recherche d'un mec, qui est venu nous voir, hein, pour le plus grand plaisir mais de Toff. Mais je suis faux là. Oh là là. suis totalement perturbé. Ah là, je sais plus quoi dire. Je suis dans l'hypnose totale. Moi, je reste stoïque. Je n'ai absolument, pas d'érection. Je n'ai rien. Je suis là. Ah oui, il n'a rien. Contrairement à moi, je te rapproche. Non, je suis là, c'est ma place naturelle. Ouais, c'est ça, c'est sa place naturelle. Ouais. Donc du coup, voilà, je vais vous la mettre en ligne dans quelques instants sur l'Instagram d'abord et puis sur Facebook et Twitter justement. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble Mélanie et surtout dans quel état où Toff a été mettre sa tête sur la photo. Oui. C'est surtout ça le plus important, évidemment. Hein. Ah bah, j'étais hypnotisé. Hein. Bah c'est ça. Il y a Adine qui dit je suis morte. Clara qui dit perso, je n'ai pas été citée une seule fois ce soir, bah tu vois Clara, comme quoi finalement tout arrive. J'ai envie de dormir, mais je vais tenir pour vous. C'est Unreachable qui avait envoyé le message. Il y a Rivaldio aussi qui dit il y a du dossier, là trop bien embrouille que vous faites au téléphone. Banana Choco, Mickaël, vous êtes trop swag. Je vous kiffe, même si je vous connais que depuis aujourd'hui. Vous me faites plier de rire. C'est Gabriel de Paris. Gabriel a une fille en plus. En plus, tu es la bienvenue, bien évidemment, Gabriel. Si tu veux passer nous voir, n'hésite pas. Tu es la bienvenue, tout comme notre ami Petit Panda qui passera nous voir, j'espère dimanche avec du gâteau. Et bon. Si Cookie, au fait, qui est sur Twitter, pouvait nous voir aussi. Elle est un peu jeune, mais elle est marrante. Elle est mignonne, Cookie. Bon, il y a Andréva aussi qui, si vous continuez à me faire autant rire, je vais finir par devenir accro. Polo, tu gères avec ton pipeau. Ouais. Garde-le. Ouais, mais c'est moi qui décide. Hein, donc je vais voir si je le garde ou si je le garde pas. Et un message qui est arrivé par SMS. J'adore ce que vous faites. Vous me pliez de rire. N'arrêtez jamais. Bonsoir à toute l'équipe. Et surtout à Sandro, elle est malade Sandro ce soir, elle est pas là malheureusement là. Ouais. Et puis Vanessa qui dit oh le bâtard, oui ça c'est par rapport au mec qu'on a appelé là pour qui pour lui faire croire qu'en fait que Jis justement s'était tapé sa meuf. Et du coup on va essayer de le rappeler là Johan maintenant Jis hein. Allez c'est parti ouais. Allez c'est parti, on l'appelle pour ceux qui viennent de débarquer. Eh ben on a appelé Jis, donc Jis qui voulait faire une blague, enfin plutôt une sale vanne de merde à son pote Johan. Voilà, Johan qui est avec sa meuf depuis 4 mois, il voulait lui faire croire qu'il avait pécho sa meuf. On y va, on le rappelle. Et évidemment Michel était monté en plein milieu dans le bordel pour foutre le boxon justement. Ouais, et je fais bien mousse, le roi de la mousse. Et je le fais bien, non? Ouais c'est pas mal. Ouais, super, mousse le roi de la mousse. Tu sors. T'as essayé et que tu pousses? Ça ira, merci. Allô? Ouais? Bien? Bien ou bien? Tu te fous de ma gueule. Non, parce que là, il y a Marine, elle en peut plus, là. Elle me dit, machin, ouais. Non, mais en plus, tu me cherches, Pélo, mais ça va, tu te la raques cher, en vrai. Pélo, là, il y a Michel, il lui est passé dessus, il y a moi, et elle demande d'avoir toi maintenant. Il y a Mousse aussi. T'es marrant, toi. Oh, t'es bien. De toute façon, on s'en fout, il a dit qu'il avait déjà trompé, donc s'en fout. On s'en fout, chacun son tour maintenant. J'ai dit que je l'ai trompé, c'était un coup de l'énervement, je l'ai pas trompé en vrai. Ouais, mytho. De toute façon, nous on va lui dire, on a rien à foutre, nous. Oh, la mousse. Bah vas-y, dis-lui ce que tu veux. Mais yo, tu sais, dis s'il faut que je vais l'enculer. Mais après, la meuf. Marine, je vais aller la revoir et tout, je vais m'expliquer avec elle, savoir si ça s'est vraiment passé ou pas, tu vois, mais... Évidemment que c'est passé, évidemment. Ouais. En plus, Johan, de toute façon, elle était en kiff, parce que moi j'ai un pote, tu vois, il joue du pipeau, et quand on lui a joué du pipeau directement, elle a dit ok, c'est top et tout, c'est top. Tu vois, on est arrivé, elle a fait comme ça. Vas-y, c'est quoi, je vais pas jouer l'énerver, c'est quoi, on va parler tranquille. Vas-y, dis qu'est-ce qu'il y a. En plus, moi j'ai chanté, tu vois, donc t'as vu là, mon pote, il a fait du pipeau, et puis moi j'ai chanté par-dessus là. Allez. Bon, Johan. Ouais, bah, allez. Vas-y, raconte-en, c'est quoi. Parce que tu veux, attends, attention, je vais te cramer là. Un coup de lance-flamme dans la gueule. Voilà. Bon, Johan. Ouais. Johan, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, c'est bon, en fait ton pote t'es, il voulait... T'es piégé mon pote. Non, pas exactement, en fait il voulait simplement te dire qu'il avait vraiment couché avec ta meuf et il savait pas trop comment te le dire, alors je lui ai conseillé de le faire sous forme de la vanne quoi. Et il voulait coucher avec toi maintenant. Voilà, non, ça c'est par contre c'est vrai ou pas. C'est vrai ou pas. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais ouais, t'es en direct sur Fun, et ça c'est vrai, et il a vraiment pécho ta meuf et il savait pas comment te le dire. La vérité. C'est vrai ? L'outil est en train de gueuler dans le standard, on l'entendait pas, mais il est en train de gueuler là. Donc voilà quoi. Bah c'est quoi, vas-y, Fun, bien joué, machin et tout, etc. Franchement, bien joué, mais Bon, je te le repasse, comme ça vous vous expliquez quoi. Vas-y. Vas-y. Allô ? Ouais. Ouais, t'es sérieux ? C'est vrai que l'outil t'a dit là ? Ouais, c'est vrai en plus. L'outil continue. Ça arrête plus. Vous voyez qu'il allait arrêter. Mais c'est quoi ça? Vaut mieux parler demain avec Marine, c'est quoi? Parce que cette histoire-là, c'est. Sauf si il l'a vraiment fait. Mon meilleur pote, c'est quoi, il habite juste à côté de chez moi. Il l'a fait à l'envers comme ça, mais tu crois, il t'attend bah ouais, mais pourquoi vous mettre la prendre comme ça et tout avant que tu partes en vacances, plutôt que voilà. Moi j'aime bien, tu vois, je suis sadique, j'aime bien te donner des mots citer en non mais attends, Pelo va pas croire que je vais partir en vacances, hein. Je vais aller direct voir Marine, savoir comment ça se passe. Marine, elle part en vacances avec moi, Pelo. T'as loupé une étape, Marine, elle part en vacances avec moi là. Ouais, d'accord, c'est quoi ce bordel là? Parle. Allez, vas-y. Bon, évidemment, arriver, parce que je pensais juste que t'allais dire, mais non, c'était une vanne, hein. Arriver à cet endroit-là, ça va être compliqué de lui faire croire qu'il s'est rien passé, hein. Non, mais voilà, quoi. Bah, quoi, il s'est vraiment passé un truc ou pas? Bah, ouais, il s'est vraiment passé un truc, oh là là là là là. Mais moi, je pensais que tu voulais lui faire une blague! Oh là là! Et après, moi, je me fous de ta gueule en plus! Dans l'histoire, tu vois, j'ai réussi à piéger tout le monde et c'est vrai, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment fini avec ta meuf, quoi. Enfin, t'as piégé. Oh là là, là on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Bon, sauf Johan, okay. Qui lui va beaucoup moins bien, évidemment. Hein. Bon, Johan. On appelle Marine ou pas? Bah, tu veux qu'on appelle Marine ou pas? Non, on l'appelle pas, je vais l'avoir tout seul, c'est bon. Non, mais justement, okay. Comme ça, on met les choses au clair, quoi, tu vois. Bon. Non, il y a personne, t'as vu l'heure, il y a personne qui écoute, ouais, là, c'est ça. Il y a toute la France, mais c'est pas grave. Mais mon Dieu, que ta meuf, elle a fini avec moi, c'est pas grave. Il y a personne, Johan, qui écoute, là. D'accord, non, mais c'est mort, c'est bon. Ouais, ton couple, il est mort, ça c'est sûr, mais. Moi, je donne le numéro de téléphone et on va appeler Marine. Tiens. Bon, bah, on va appeler à Marseille aussi déjà dans un instant. Attends, je te repasse au standard là. Jis et Johan, là, bougez pas de là. Dites-nous si vous voulez qu'on appelle Marine là. Vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter là. Et puis on en parle juste après, évidemment. Il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Unreachable qui dit le pipo, c'est la nouvelle technique de drague. Il y a quoi aussi Judanana qui dit aussi. Il y a un pote qui a joué le pipo là, ça m'a tué. Là, le mec vous l'achevez. Un coup de lance-flamme en plus dans la tronche. Et alors, il y a un message aussi d'Olivia qui dit mort de rire, vous me tuez à faire l'accent racaille. Eh oui, évidemment. Et puis bah merci, hein, top tweet là maintenant là, le hashtag est Mickaël. Merci à vous, en tout cas ça fait plaisir. On va dites-nous d'ailleurs si vous voulez qu'on appelle justement la Marine, on fait ça dans un instant. Hashtag est Mickaël, il y a Lucas aussi qui dit Mickaël, bonsoir à toute l'équipe, vous gérez, foutez un gros bordel entre Johan et Dylan. C'est Johan et Jis, voilà, mais t'inquiète pas, le bordel il a été fait. Et avec tout leur talent à Jis, hein, surtout. Hein. Bon, on revient dans un instant, vous bougez pas de là, je vous cale comme promis. Le son de David Guetta avec Ain't a Party sur Fun Radio. Voilà, ça arrive dans un instant sur Fun Radio. On va rappeler donc la copine là, justement dans un instant. On va aussi filer la télé. Elle a l'écran plein, hein, 40 pouces qui est à gagner sur le Facebook, qui est uniquement sur Facebook. Donc venez si vous voulez tenter votre chance. Facebook.com/Mickaël officiel. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. 02 851 4x0. Sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Effectivement, on est en direct sur Fun Radio. Allez hop, vous balancez tous vos messages. Je viens de mettre la photo là de Mélanie, l'auditrice qui est passée nous voir. Elle était passée hier à l'antenne et comme elle cherchait un mec, bon, toi fais dessus, hein, rassurez-vous. Alors Mélanie est plutôt sur Polo en revanche, normal, hein, mais je n'irai pas jusque là. Donc si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il y a l'Instagram qui fonctionne évidemment. Il suffit tout simplement d'aller voir ça maintenant donc sur l'Instagram et Mickaël officiel. Ça fonctionne également si vous le souhaitez sur Facebook et sur Twitter. Voilà, je l'ai mise partout la photo. Vous pouvez aller voir, donner vos avis. Évidemment, ça se passe donc sur Mickaël officiel. D'ailleurs, si vous venez sur le Twitter de l'émission, par exemple, eh bien, je vous suivrai également. Voilà, suffit de me faire un petit follow et je vous ferai un follow back, tout simplement. Voilà, Mickaël officiel. J'attends évidemment tous vos messages et on s'écoute maintenant le son de David Guetta sur Fun Radio. Il est 1h15 du mat. On est tranquille, on est entre nous. C'est Mickaël nos limites. On est jusqu'à 2h. Bonne nuit tout le monde. Fun Radio, là, 1h18. Ouais, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat. Prévenez tous vos potes, c'est sur Fun Radio qu'il se passe quelque chose, évidemment, et nulle part ailleurs. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, on est là tous les soirs, 23h, 2h du mat. Et puis, le dimanche soir, évidemment, à partir de 20h. Il y a un message de Tilou aussi qui dit trop bien les deux types qui vont se foutre sur la gueule. Ouais. La bise à vous. Il y a aussi Titouane aussi qui dit c'est l'éclate Fun Radio dans le camion de poubelle. Ah, bah, nickel, tiens. Voilà, le camion de poubelle en route jusqu'à 3h du mat. Voilà, t'as vu, on est avec vous, là. Hey, Mickaël! Ouais. Il va récupérer les poubelles parce que là on dégueulasse. Ah bah mec, comment t'expliquer que le connard il a pas mis dans les poubelles bleues là? Ah putain, et ce soir c'est là. Les poubelles vertes, hein, qui allait se faire enculer. Et ça c'est une poubelle là-bas. Ah ouais, c'est la gueule à Toff, tu peux la prendre. Attends, moi je vais lui mettre un coup de lance-flamme. Ouais. Voilà, oh, tiens, allez, ça lui ira bien, tiens. Tiens, allez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un trou de cul, il a foutu ça dans la poubelle rose. Connard, bah. Quel con alors, c'est dans la poubelle verte qu'il faut mettre ça. Non mais n'importe quoi, c'est les gens sont cons aujourd'hui. Bon, allez, bon courage en tout cas, Titouane là. Il y a aussi Ambroise qui dit salut à toute l'équipe, vous gérez tout ce soir comme d'habitude. Bah, merci Enzo qui dit wesh les mecs, vous gérez grave. Ouais. Vous lisez jamais mes messages, c'est faux la preuve Enzo. Ah-ha. Et puis un message de Charles-Edouard qui dit imagine si Michael n'était pas là, on serait chier. Merci Charles-Edouard. Mais il est là, et ouais. Ce grand homme, ce saint homme. Exactement. Et c'est Kevin qui dit oh le bâtard les gars, tu veux un genre de congé ou comment ça se passe? Parce que tu l'auras pas, hein, que ce soit clair. Mais non, je veux juste jouer du pipeau. Non c'est mais alors d'accord. Alors d'accord. Bon, Jis et Johan, vous êtes là les gars? Ouais, ouais. Bon, la majorité des auditeurs ont répondu présent. Ouais. Ils veulent qu'on appelle. Ils veulent qu'on appelle Marine. Hein. Ah ouais? Ouais, moi aussi je veux qu'on l'appelle. Bah ouais. Donc du coup. Bah, on appelle Marine alors. Bon bah du coup qui l'appelle alors? Jis ou Johan? C'est moi qui l'appelle d'abord. Bon, écoutez, vous savez quoi? Vous êtes tous au standard. Allez-y, démerdez-vous. Voilà. Pour le coup, c'est le cas. C'est prenez le contrôle. Au moins comme ça, tout est dit. Hein. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Le jingle le dit, hein. Prenez le contrôle. Voilà. Et démerdez-vous. Exactement. Je suis avec Mélanie, là. Elle... Oui. Allô, Marine? Oui. C'est bon? Ouais, ça, c'est dit. Salut. Ouais, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais. Dis-moi... J'ai envie de te rappelle de ce qu'on s'est dit hier soir, là, quand on était chez moi. Oui. Ouais. Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être y mettre au clair un peu avec Yvan. Comment ça? Bah, lui dire carrément et voilà quoi, parce que je vais tout dévoiler par téléphone tout à l'heure. Comment ça? Tu es en train de me faire quoi là? Bah, je vais dire pour nous deux quoi. Mais je suis pas d'accord. Quel bâtard. Bah, ouais, mais moi je suis d'accord. Voilà. J'ai décidé que ça se passait comme ça. Oh. Ah bon? Ouais. D'accord, et il a réagi comment? Ah bah il est là. Bah il m'a réagi, mais bon. Oh, ouais, mais ça m'étonne pas. Bah ouais, tu m'as bien dit que tu t'en foutais de toute façon alors. Et peu pour moi. Oh. Ouais, mais pas pour l'instant. Enfin, je sais pas. Ouais, bah on est censé partir en vacances déjà demain alors. Oh. Pire. Le bâtard. Ouais, mais les vacances, je t'avais pas dit oui tout de suite, quoi. Enfin... Oh la longue. Bah écoute, maintenant il faut dire à Yohan, maintenant que je l'ai dit... Le dire pour nous deux, quoi. Et l'autre il réagit pas, Johan c'est ouf. Ok, bah vas-y, j'attends. On va y dire? Oui. Johan? Ouais. Ouais. T'as entendu? Bah bien sûr que j'ai entendu. Eh ben... C'est dégueulasse. Vas-y, Marie, dis-lui. Et elle se dit pas, tiens... Non mais Johan, je crois pas dire. Non, mais écoute, vas-y, déballe. Non mais crois pas Jis, il dit n'importe quoi. Oh, Il y a deux secondes tu savais même pas que j'étais là, que j'entendais tout et maintenant tu me fais ouais c'est pas vrai et tout, tu sais. Oh là là, je t'embrouille. Mais non mais c'est pas vrai, c'était quelqu'un d'autre, croyez pas. Ouais, c'était quelqu'un d'autre. Cela dit, elle doit certainement suivre mon conseil, ne jamais avouer. Mais il y a une personne très intelligente. Espèce de bâtard. Elle a raison. Non mais dis si t'as raconté n'importe quoi. Elle a fait la toffe à quelqu'un. Ouais, c'est bon, je vais vous dire ciao, tu sais quoi. Marine, comment ça va? Parce que là, ça marche. C'est vraiment parti. Allez, partez en vacances, c'est bon, tranquille, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Je pars plus avec personne, vous êtes deux cons, c'est tout. Vous avez bien compris. Mais pourquoi avec moi, pourquoi à la base alors? Mais je vous ai pris pour des cons tous les deux. Ah la meuf, mais tu sais. Elle est géniale, je l'adore. Je la veux pour moi. Mais en vrai, elle a couché avec lequel? Bah les deux. Ah d'accord, ok. Vas-y, t'es une pute. Non, c'est pas bien. Non, rentrons pas là-dedans. Voilà, faites la fête, hein, faites la fête, mais pas la guerre. Voilà. Faites la guerre, mais pas la guerre. Non, faites pas de la guerre. Faites la fête, mais pas la guerre. Bah, c'est quoi, moi j'ai un truc à dire. C'est quoi, Johan, c'est quoi, elle, on va l'oublier, ce vieille pute. Moi, je suis sûr que c'est meuf, on va les appeler. Allez, ciao, on va les appeler. Eh ben voilà. C'est quoi, on va peut-être en reparler, mais franchement, je crois que c'est pas grave. Ah, mais elle est partie, elle est partie. On brûle la gueule, on lance flamme. Eh ouais. Et du fouet! Et du pinot! Merde, je me suis emballé là. C'était pour adoucir. Voilà. Bon, dis donc, Johan et Gis, là, il s'est passé quoi là, le bordel là, c'est foutu de votre gueule? C'est quand même improbable, c'est-à-dire que c'est elle qui se fout de votre gueule et après c'est elle qui dit comment? Eh ben, je m'en vais. Ouais. J'aime bien. Bah, là, non, mais vas-y, c'est quoi, mais. Là, moi, je dis, Johan, moi, Gis, Bon, ben, restez potes, Gis et Johan, vous n'allez pas casser votre amitié pour une meuf. Moi, je te dis un truc, Johan, faut se faire une bonne souris à l'aveugle, là. Quoi ? Ouais, vas-y, à l'aveugle. Vas-y, tu sais quoi, allez, on va boire des canons. Hein. Vas-y, ouais, mais par contre, Pélo, ça passe vraiment à travers la gorge, hein. Eh ben voilà, ça gars, c'est bon ça, ça fait plaisir. Je la récupère. C'est quoi, moi. Si c'est pour ça, c'est quoi? Bah c'est quoi, moi mon pote, moi je te la donne, moi je te donne tout son numéro. Bah voilà, Toff, il va la prendre aussi, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Elle est géniale. Prenez-la, de toute façon, c'est un coup, elle serait capable d'aller jusqu'à vous. Hein. Ah bah quel âge est là? Elle a la dalle, hein, c'est un coup. Quel âge est là? Oh les gars, c'est une gourmande, croyez pas. Respecte ma meuf, c'est ma meuf. Ouais, ouais, du calme, quel âge est là? Elle a 25 ans. Ah bah voilà. Je l'appelle immédiatement. Mais oui, il va rappeler. Moi, je la rappelle. Immédiatement. Rien du tout. Tu es marié, je te signale. Ouais, c'est vrai. J'ai cassé tous ces coups à deux balles. Exactement. Ouais, c'est comment lancer des rumeurs. Bon, les gars, on va vous renvoyer chez Alex au standard. Là. Merci à vous de passer. Vous revenez quand vous voulez. On peut passer une dédicace. Bon, ben vas-y, Gis, là, on speed alors. Ok, moi, je passe une bonne dédicace. Une grosse dédicace à Manatou. Un gros bisou à Melvin, à Tom-Edouard, à Yo, à tout le monde. Ouais, et pense à t'acheter un téléphone aussi, hein. Gis. Ok, y a pas parce que ça gueule un peu dans tous les sens là. Bon bah salut à vous en tout cas et bon week-end. Oh putain le bordel là. Le bordel. Et il me faut que je me fasse une vocalise là. Ouais, ça va nous détendre. Voilà, ça va mieux. Ah bah ça va mieux là. Bon, il y a Ben aussi qui dit Polo a raison, elle est bâtard. Miss Sizibou aussi qui dit mort de rire à la Flat Off Academy. Ah bah ouais, mais complètement là. Etienne aussi sur le Facebook qui dit ah ouais, c'est eux les cons là, on les brûle, leur gueule, on lance flamme, je suis mort de rire. Il y a Ben qui dit comment perdre sa meuf et son meilleur pote en direct à la radio. Juste doucement, Polo, calme-toi quand même. Hein. Il est cool, plus rouge, Polo. Hein. Je sais pas ce qui se passe sous la table, mais. Bah écoute, je en sais fait, pas. C'est les lumières qui ah, sont ça doit être ça, ça doit être ça. Mais elle Mister, me touche la cuisse, là. Mister attendez, Steven. Mister Steven sur le Twitter qui dit le retournement de situation, il a tué la meuf là. Le bâtard, c'est Clara qui dit enfin sourire au milieu de cette déprime. Et petit panda qui dit ouais, le butin le bâtard. Mickaël aussi qui dit c'est vrai que vous ne lisez pas les messages de tout le monde. Mais on peut pas. Là, on vient de lire le tien, mais sincèrement, on peut pas tous les lire. Il y en a tellement. C'est-à-dire qu'on a les yeux là. Comment vous expliquer que le truc il défile tellement vite. De GamerFlogs aussi qui dit Toff est un pervers de haute dimension. Il a un regard salace sur la photo avec Mélanie l'auditrice. Ah bah ouais, mais comment vous expliquer qu'il a sa tête dans ses seins. Donc on peut pas faire plus salace que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui est marié, mais oui. D'ailleurs, il y a ta femme qui demande de ramener du pain. D'accord, mais je lui ramènerai. Un pot de pain, exactement. T'as pris son prénom ou pas? À qui? Bah, à la femme que je cherche aujourd'hui. Non, c'est ta femme. C'est ta femme, mec. Voilà, c'est ça. Très, très fort. Ah ouais, c'est pas mal. T'as vu Mike? Ah ouais, bon filou là, quand même. Quand même. On lui brûle la gueule au lance-flamme. Mec, oui, bah oui. Exactement, ouais, ça y est, c'est fait. Et oublie pas le pain. Tout à fait. Bon, allez, on revient dans un instant. Mais on va où avec le pain? On passe un coup de fil à Marseille après, là? Ah, si tu veux. À nouveau, là, pour Batman? Non, pas jusqu'à Marseille, mais avec le pain, là. Avec allons-y. Le pain. Avec Batman, là, on va aller du côté de Marseille. Puisqu'apparemment, ils sont un peu dans la merde à Marseille, là. Et ils ont créé un truc, ils veulent appeler Batman pour sauver la ville. Donc, nous, si on peut rendre service. Bah, on est là. Bah, on fait ça dans un instant, tiens. Le temps de se faire péter le son de Major Lazer sur Fun Radio, là. Watch out for this. Il est 1h27, là. Bienvenue, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limits. À 2h. Prenez le contrôle 02 851 4x0 sur Fun Radio. Allez, venez, prenez le contrôle, on est encore là pendant 30 minutes. Et attention, je rappelle que tout à l'heure, là, il y a encore l'écran plat que je vais vous offrir. Et cherchez pas non plus. Il y a que nous, il y a que sur Fun qu'on vous fie encore des cadeaux à cette heure-ci. On est en direct avec vous alors que tous les autres sont partis roupiller. Ça, c'est beau quand même. Hein. Et on vous tient compagnie jusqu'à 2h du mat. Vous prenez le contrôle de Fun, allez-y. Donc pour gagner l'écran plat, c'est facile. Il suffit simplement de venir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Et donc vous faites un like, hein, tout simplement, sur la photo où il y a l'écran plat. Voilà, on fera un tirage au sort parmi les likers uniquement là ce soir dans moins de 30 minutes. Donc si vous êtes encore debout et que vous êtes sûr d'être là dans, dans 30 minutes, l'écran sera probablement pour vous. Donc allez-y, facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a DJ Kylian qui dit encore une putain de soirée avec MIKAEL officiel. Bah merci DJ Kylian. Casper aussi sur le Facebook, il dit elle m'a régalé la coquille là comme elle s'en est sortie. Grave, elle a bien géré. Hein. Et Gilles aussi qui dit tu te rends compte de la chance que t'as ? Tu te rends compte de la chance que t'as ? Bah justement, tiens, apparemment, la pauvre Marine, là, déjà elle perd ses deux mecs et en plus elle va peut-être récupérer Toff, la pauvre. Quelle bande c'est de vrai. Et Slash aussi qui dit Mickaël, j'ai le contrôle, mais je fais quoi avec ? Bah, ce que tu veux, mec, ce que tu veux. Bon, allez, plein de messages. Ben aussi, notamment. Polo est un malade de lance-flammes de jour en jour, mais on t'adore, Polo, quand même. Bon, merci. Et Denis qui dit Toff, c'est le plus fort, le plus beau, je veux l'épouser. Quelle horreur. Oui, mais c'est un homme. Ah, hein. Oui. C'est un homme. Ah, et Unreachable qui dit avec le pain qui va sauver Marseille. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Et Unreachable qui dit comment vous dire que vous êtes géniaux et que cette soirée, c'est de la folie. Bah écoute, nous le dis pas, on le sait. Bon, je mérite un coup de lance-flamme sur la gueule. Voilà. Ça pue après, hein. Ça sent un peu le cochon brûlé. C'était et Phil. Point, ça. Ouais, bah, ça doit être ça. Phil qui dit j'adore le coup du pipeau à chaque fin de musique. Il fait de la concurrence à David Guetta. Mais bien sûr, on va l'enterrer, David Guetta, qu'est-ce que tu crois? Et Timothée qui dit Fun Radio, la meilleure radio, je vous kiffe, vous gérez comme des porcs. Bah, justement, je parlais de cochon brûlé, tiens, effectivement, comme quoi il y a un rapport. Et puis, il y a un dopt à Chocobon sur le Facebook qui dit vous avez oublié la meuf qui parlait de sa meuf avec son mec. On l'a pas oublié, elle est toujours là, n'est-ce pas, Manon? Oui, je suis là. Parfait, on aura aussi Alex dans quelques instants là, bouge pas de là. Manon, on va d'abord appeler parce que sinon on va être trop tard, déjà qu'on est très tard. Marseille, on va appeler Marseille puisque on va essayer de les sauver puisque ils ont fait appel à Batman. Voilà, pour tenter de sauver la ville de la délinquance. Et donc vous nous avez filé plein de numéros de Marseillais ou de Marseillaises qui sont encore debout à cette heure-ci. On va donc on a appelé tout à l'heure hein, et on va encore appeler un petit coup maintenant, d'accord Manon? D'accord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? La musique c'est tout à l'heure. Bah, comme ça vous saurez qu'on aura tout à l'heure Willa Yami qui va passer tiens, avec Fall Down. Ça te plaît aussi ça? Oui. Oh, tu peux dire non si tu veux maintenant, hein. Moi ça me pose pas de problème. Hein. Non, non, mais oui, c'est bon. Ah non, mais comme tu veux. Bon, allez, on appelle à Marseille. C'est parti, direction Marseille. Et on va essayer de leur filer un petit coup de main là avec, avec Batman. Allez. Des chances que ça dorme encore à cette heure-ci, hein, du coup. Eh ben, ça dort. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle au sujet des problèmes de délinquance à Marseille. Pardon? Non, je dis, je vous appelle au sujet des problèmes de délinquance à Marseille. Non, mais vous appelez à cette heure-ci? Mais je suis avec Batman. Parce qu'il va venir vous aider pour... Allô? Ah oui, il va bien aider là, hein. Il va bien aider Batman là. Hein. Bon, on recommence ? Ouais, bah oui. Allez. Bah oui. Bah oui, mais bon. Voilà. On fait pas dans le Batman. Vous appelez Storcy ? Bah oui, bon, ça va, il est 1h30. Allô ? Oui, non, parce que je suis avec Batman. Je vais vous le passer comme ça pour lui expliquer les problèmes qu'il y a à Marseille. Hein ? Allô ? Oui, non, mais je suis toujours là. D'accord, bah je vous passe Batman alors. Hein. Oui, passez-moi Batman. Voilà, comme ça vous lui expliquez bien. Hein. Je suis Batman. Ça rigole derrière. Tu me veux, je suis là. Oui. Je ne suis jugé que par mes actes. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, donc vous avez pu lui expliquer les problèmes de délinquance? Ah oui, oui, oui. Oui, ça s'est bien passé? Oui, très très bien. D'accord, vous voulez peut-être encore lui dire un petit mot? Oui. Bon, attendez, je vous le repasse. Ok. Alors tu vas m'adorer. Effectivement, on a raccroché. Ouais. Bon, on rappelle encore un coup ? Ouais, un dernier là. Allez, un dernier. Elle voulait dire un autre truc et elle n'a pas eu le temps. Bah oui, retour à Marseille, c'est parti. Genre, elle est plus au téléphone. Sérieuse ? Allô ? Vous avez fait une grave erreur. Ah ouais ? Bon, il rigole. Oui, oui non, je me permettais de vous rappeler parce que, a priori, votre ami a été coupé avec Batman. Ouais, hein? C'est qui? Ben, donc, voilà. Moi, je suis l'attaché de presse de Batman. Donc, je vais vous repasser Batman pour que vous puissiez lui dire ce que vous aviez à lui dire. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ben, c'est pas un bordel. C'est comme il y a des problèmes de délinquance à Marseille et que les habitants de Marseille ont appelé Batman. Du coup, il veut se renseigner un peu avant d'arriver, quoi. Ben ouais, c'est pas trop mal, hein, parce que 24 flics, ça va pas suffire, je pense. Ben voilà, c'est pour ça. Donc attendez, je vous le repasse, vous finissez de lui expliquer, puis comme ça, il peut intervenir, quoi. Hein, je vous le repasse. Ça va, je vais vous passer ma maman, parce que moi, j'ai arrêté de regarder des animés, peut-être qu'elle y arrive encore. Alors, Vincent. Oui, alors. Tu trouves que je la ressemble? Mais j'entends rien à ce qu'il dit, je comprends rien. Je suis Batman. Oui, alors, Pac-Man, le petit bonhomme jaune. Je suis Batman. Oui, moi, je suis Sylvie. Tu me veux, je suis là. Non, je te veux pas. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ah non, j'ai pas d'argent. Elle a rien compris. C'est pas grave. Bon, on essaiera d'appeler encore un petit coup tout à l'heure. Hein. On va récupérer Manon là maintenant là qui nous appelait d'Avignon, qui ne sait pas qui choisir entre son mec et sa copine du coup et donc elle est un peu paumée. C'est ça Manon, hein. C'est ça. Bon, il y a Alex aussi qui est avec nous là de Normandie. Salut Alex, comment ça va? Salut. Ça va bien? Salut. Bien vous? Bah tranquille, hein, nous on est à la cool là, on est à la cool là, on profite encore, il reste 23 minutes d'émission, donc on profite. Ouais. Bon Alex, est-ce que t'aurais des conseils à filer toi à Manon là? Et là on stresse là parce qu'elle sait pas quoi choisir, son mec ou sa meuf. Parce qu'en fait elle est bille, donc elle sait pas lequel choisir, elle aimerait bien choisir. Mais d'ailleurs pourquoi tu veux choisir Manon? Pourquoi tu gardes pas les deux? Bah oui. Et puis tu fais une semaine sur deux. Parce que, je sais pas, ça me perturbe un peu quoi. Ouais, parce qu'en fait. Ouais, parce qu'en fait t'es avec les deux mais eux le savent pas. Ouais, c'est ça, et en plus ils s'aiment pas du tout, donc voilà. Ah ouais, en plus c'est la guerre. Ils commencent à avoir des doutes, donc. Bah tu m'étonnes. Voilà. Bon, du coup, Alex, tu ferais quoi toi? Ils se connaissent et ils s'aiment pas du tout en fait. Ouais. C'est ça. Ah, c'est la merde. Ah bah oui, merci bah... Alex. On avait pas besoin, pas besoin de toi pour le savoir, Alex. Non, mais moi je dirais déjà en tant que fille de choisir le garçon, puisque voilà, c'est. Je suis pas forcément pour la nature et tout machin, mais c'est plus facile de prendre du plaisir avec un garçon, de prendre son pied et tout. Bah tu diras ça à toutes les lesbiennes, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, tu me diras. Tu croiseras. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est toutes les meufs facile. Qui aiment les meufs, elles vont dire, attends, arrête un peu tes conneries là, t'es bonjour, sérieux là. Bonjour, c'est plus facile avec. Oui. Bonjour, c'est plus facile. Voilà, c'est ça. Mais... Non mais. Tu sais quoi, dans les 20 minutes qui nous restent, au lieu d'appeler Batman, on appelle des gens et on leur dit, c'est plus facile avec les gens du même sexe. C'est vrai que ça peut être une idée, mais attends, cela dit, attends, on va quand même essayer de trouver une solution pour Manon là. Eh hey, Manon. Ouais. Manon. Moi j'aurais dit, essaye de les tester un peu de ces. Mais elle a déjà testé, là, elle est déjà avec les deux, là, figure-toi. Ouais, non mais si, je sais pas, leur poser des questions, voir avec lequel tu aurais infiniment plus d'affinité. J'allais justement dire avec quel est le mec qui enfin quel est parmi les deux là le mec ou la fille lequel des deux te manque quand t'es pas avec lui ou elle? Ben c'est un peu les deux. Hein. Les non, deux. Mais attends, moi j'ai une vraie technique, j'ai un vrai truc, j'ai un vrai truc. Tu choisis pile ou face et puis on en parle plus. Ok. Bon, il s'appelle comment les deux? Il y a Chloé, c'est la fille, et ouais. Maïvan, c'est le gars. Bon, alors... Attends une seconde, tu lances la pièce? Ouais, attends, Chloé pile, Maïvan face, ok? Si on est parti comme ça, elle va te demander de relancer la pièce des centaines de fois. Mais non. On fait qu'une fois. On fait qu'une fois, on fait qu'une fois. Hein, Manon? Oui. Okay. Bon, alors, du coup, j'ai perçu pile, c'est quoi? Pile, c'est c'est Chloé, et face, c'est Maïvan. Très bien, on y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est Chloé. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben voilà, Manon, hein, comme moi ça au moins tu sais. Hein. Rondement mené. Exactement. Tu nous appelles, une solution, on a une solution. Voilà, tous les problèmes ont une solution et on l'a prouvé encore une fois. Voilà. Bah voilà. Bah Manon, de toute façon, il y a que toi qui peux prendre la décision, hein. Bah on vient de prendre la décision. Ah oui, oui. Non, mais enfin, je veux dire, il y a que toi qui peux vraiment décider, quoi. C'est ça que je voulais dire, Manon. D'accord. Ouais. Bon. Voilà, donc moi je propose qu'on appelle Chloé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bah oui, en direct évidemment, pourquoi pas. Bon, si vous avez encore cela dit des conseils à donner, n'hésitez pas. Manon, reste là, Alex, reste là aussi. Et puis bah tous les autres, vous avez un truc à dire. Eh bah profitez-en, on est là jusqu'à 2h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites, 02 851 4x0. Sur Fun Radio. Parti Fun. Ah non, tout à l'heure ce sera Parti Fun là, vous emballez pas. Ça c'est parce qu'on m'a foutu la merde, hein. Ah, on m'a foutu la merde! Sabotage! Ouais, sabotage! Bon, allez. revenons à une grande émission. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Mais oui, on est là sur Fun Radio, là. Mais oui, au taquet. Plus qu'au taquet, même. C'est parti maintenant, là. Une heure sans pub maintenant, cette fois-ci c'est la bonne depuis tout à l'heure que j'annonce. Il y a Daniel aussi qui vient envoyer un message là, Daniel qui dit Daniel de Liège, un tout grand merci à toute l'équipe qui me permet de bien me divertir durant le boulot. Dommage que vous soyez pas sur l'antenne jusqu'à 6h car d'ici 20 minutes vous serez plus là. Ah bah ouais, mais c'est déjà pas mal Daniel de Liège là quand même. Hein. Il y a Unreachable qui dit la pièce à choisir, c'est Chloé. Eh bah voilà, c'est fait effectivement. Il y a Slash qui dit j'ai toujours le pouvoir entre les mains et ça brûle, je fais quoi avec quand... Quentin qui dit moi je veux juste dire que je vous aime. Oh merci Quentin, c'est gentil ça. Mais quelle garde des deux, où est le problème? Et c'est ce que je dis, hein, je l'ai proposé mais apparemment c'est pas possible. Casper qui dit la solution, elle quitte son mec et elle vient me voir avec sa copine et moi je prends les deux. C'est une idée Casper, bien vu à toi. Vous êtes trop mort de rire avec Batman, merci. Denis, petit panda aussi qui dit là soit les deux mecs chauds, soit tu fais un choix. Et voilà, t'as vu que petit panda ne parle plus de venir emporter un petit gâteau. Hein. Ouais. Depuis tout à l'heure elle avait proposé, maintenant terminé. On n'en entend plus parler là. C'est et dégueulasse. Colin sur le Twitter qui dit devenir accro à vous, vous êtes parfait, la meilleure émission, vous régalez 3 heures de fou rire. Soirée parfaite grâce à vous. Merci Colin en tout cas. Bon, dernière ligne droite, si vous voulez choper, eh bien votre écran plat, on va vous l'offrir dans quelques instants sur Fun Radio. Il suffit tout simplement de venir nous rejoindre. Hein. Si vous voulez choper ça, vous faites un petit like maintenant sur la page de l'émission. facebook.com/mikl officiel. Tirage au sort parmi les likers dans quelques minutes sur Fun Radio, dans moins d'un quart d'heure pour être précis. Et puis attention également, on parlera des meilleurs films à regarder hein, avant d'être d'avoir raté sa vie en fait tout simplement. On a balancé le top 5, enfin on a balancé les 5 derniers du top 10 et ouais, on balancera les 5 premiers dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis au niveau du son, on va vous caler le son de Will.i.am maintenant sur Fun. Will.i.am et la belle Miley Cyrus, toute de cuir vêtue. Aïe aïe aïe. Ah bah je te confirme, effectivement, c'est un drame. C'est Fall Down sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël 3044 sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là jusqu'à 2h du mat là, il est 1h48 donc on a encore un petit peu de temps quand même. D'ailleurs on se quittera dans un instant, je vais vous la mettre maintenant, tiens, comme ça on la mettra deux fois. Cette magnifique chanson de South Park qu'on vous avait fait péter hier, hein. Attention justement, écoutez-la bien. Elle est magnifique, c'est la préparation à la diffusion qu'on vous mettra avant la fin de l'émission, viens écoutez bien. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu prouves tes bites, t'as fait sucer toi l'enculé. Toi l'enculé, c'est un enculé. Tu ne peux plus dormir, on vient manger car toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal, ils sont canadiens. Non, c'est que veux-tu? Ah, pardon. Écoute. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Attention, toi l'enculé. C'est vrai que la transition était un petit peu difficile, hein, mais jamais. C'est du son. Ouais. Et ben on la mettra tout à l'heure avant la fin de l'émission. Tiens, ce sera le générique de fin. Voilà. Je vais le mixer ce soir dans Party Fun. Parfait. Judas Nana aussi qui dit ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Effectivement, Judas Nana. Petit panda qui dit si, je viens et je demandais ce que vous, si vous avez préférence pour le gâteau. Non, pas de chocolat pour moi personnellement, mais après, voilà, c'est ça. Hein. Et si peu. Fraise. Toi, tu aimes bien la vanille. Oui, j'adore la vanille. Voilà, parce que c'est blanc. Si je peux juste avoir son abricot dessus, c'est bon. Tof, merci. Il y a un message aussi qui est arrivé de Dodo qui dit ah oui, notre petite musique douce et pacifiste, exactement. Et Petit Lu qui dit vous croyez que j'ai le temps de prendre ma douche, etc. pendant la musique plus la pub. Ah, c'est compliqué parce que là, c'est fini. Il n'y aura plus de musique avant la fin de l'émission et puis on arrivera à la fin en 2h. Et en plus, on a le tirage au sort aussi encore à faire là pour l'écran plat 40 pouces, full HD, LED que je vous offre sur le Facebook. Il vous reste quelques minutes pour faire un like. facebook.com/mikl officiel. Voilà. Et puis Unreachable aussi qui dit Cimer pour cette soirée parfaite. Tout en fou rire. Je vous aime. Merci Unreachable. Et alors encore un petit message, là, un petit dernier qui vient d'arriver aussi là. Slash Smile qui dit un gros merci à toute l'équipe. J'ai pété, j'ai jeté le pouvoir. Je le retrouve plus. Malin ça slash. Bon allez, on va terminer maintenant avec Manon là le retour et Anthony qui voulait réagir. Anthony de Belfort, salut Anthony. Salut Mickaël. Comment va? Salut. Ça va et toi, genre de soirée là, donc j'ai mis la radio en rentrant, puis je me suis dit je vais aider Manon un petit coup, je suis homo donc. Ah bah t'as bien raison, t'es complètement bourré toi, c'est ça Anthony? Je sors de soirée là. Je suis pas bourré, puis on fait une grosse soirée au LG. S'il vous plaît. Attends, souffle un peu dans le téléphone pour qu'on vérifie. Mettez-vous sur le bas-côté là, on y va. Ouais, vérification là. Attends, souffle dans le téléphone pour qu'on vérifie. Faut que je présente mes papiers ou quoi? Non, souffle dans le téléphone. Nous vous mettons en liaison avec la police nationale. Hein, ça sent pas clean, hein, ça sent non, pas clean. Non. Bon, t'es rentré chez toi quand même ou pas là? Ouais, ah bon, ça va alors, ok, alors c'est bon. On annule la demande, là, les gars, Oh, j'y vais, bon. Salut les gars, allez, salut, n'hésitez pas. Hein. Salut Roger. Allez, où, bon. Tu peux pas fermer la bagnole là? Alors, Anthony, ah non, pas là, non, les commandes pétées. Bon, Anthony, alors toi, justement, donc tu voulais donner un conseil à Manon, parce que toi, t'es gay apparemment. Ouais, moi, je suis gay, puis j'ai des bisexuels avant. D'accord, ah bah pareil, tiens, comme Manon, tiens, nickel. C'est bien. Voilà. Donc, Manon, t'es là? Oui. Voilà. En fin de compte, voilà, j'ai pas trop suivi parce que je débarque et t'expliquer un peu ta situation. En fait, je... Attends, prends le téléphone, Manon, parce que là, si tu laisses le téléphone à l'autre bout de la pièce, on va rien entendre. Oui, on m'entend voilà. Ah, ça va mieux, là. Ouais, on t'entend, c'est bon. Donc, en fait, je suis en couple avec Maïvan et Chloé. Chloé, c'est ma meilleure amie. Et Maïvan, ben, c'est un gars que j'aime bien et tout. Et en fait, Maïvan et Chloé, ils peuvent pas se voir, ils se détestent et tout. Et en fait, je sais pas qui choisir entre les deux parce que je me dis qu'il faut quand même que je fasse un choix. Ouais. Parce que je peux pas rester comme ça, quoi. D'accord. Tu te sens mieux avec laquelle personne quand t'es avec la personne? Ben, je suis bien avec les deux, mais... C'est-à-dire qu'avec Chloé, c'est vraiment une amitié forte, mais avec qui que j'aime bien, finalement. Ça ne me dérange pas d'être en couple avec elle. Et, alors que Maïvan, enfin, je suis un peu plus... T'es attiré par quelle personne, là? Ben, le plus. Physiquement. Il faut que tu te dises aussi que voilà, quoi. Il faut que tu sois attiré par la personne la plus sincère et la plus proche de toi. En même temps, elle l'a dit, ouais, avec Chloé, là, c'est de l'amitié, machin, alors que l'autre, je suis plus attiré. Voilà, c'est plié. Si c'est de l'amitié à ce moment-là, c'est à toi de, comment t'expliquer, de voir les choses par rapport à la deuxième personne. Il faut que tu ailles vers la personne que tu te sens plus en sécurité, puis en mieux, quoi. Faut pas que tu te voiles la face, quoi. Ouais, ben alors la personne avec qui je suis en plus sécurité, c'est Maïvan. Et ben voilà, mais alors putain, on l'a lancé la pièce pour rien là, du coup on l'a abîmé. Bah oui. Bah voilà. Ah oui. Voilà. Donc alors, tu sais. Compris. Bon, attends, on nettoie les conneries qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, j'ai mis un coup de lance-flamme, maintenant c'est bon, tout ce qu'on a dit comme conneries tout à l'heure. Bah maintenant, moi t'es plié là, tu sais que c'est Maïvan, Manon là. Bah je sais pas. Bah si là, attends, et on vient d'en parler avec Anthony là. Attends, j'ai été secouriste, moi, hein, c'est ce que je dis. Si t'es plus attiré par la personne que tu trouves la mieux, à ce moment-là, fonce, et puis là, tu l'arrêtes, tu le laisses en tant qu'ami, quoi, voilà. Ouais, il est là pour les situations d'urgence, hein. Voilà, Anthony aussi. Non, c'est vrai. Non, mais voilà, en tout cas, Anthony, merci à toi d'être passé, hein, même si tu rentres de soirée, c'est cool. Ouais. Tu voilà. Peux faire une dédicace? Allez, bah vas-y justement, viens pour te remercier, vas-y. Je vais faire un coucou à tout le monde, je vais faire un coucou à mon pote, à mon homme, de sûrement m'écouter, que j'aime très fort. C'est et pas puis, une personne la dédicace? Non, mais lui, je le sais parce qu'il est venu sur la fin là. Il est bourré en plus. Vas-y. Non, je suis pas bourré. t'as le droit, tu es bourré. Non, tout rendez-vous LG les mecs, hein, quand même. De quoi tu dis, Anthony? J'ai dit tout rendez-vous au LG, ils vont comprendre, ils sont tous en train de m'écouter. Ah bah très bien, alors ça va, ok, bah s'ils ont compris, alors il n'y a pas de problème, ouais. Bon, ça marche, merci Anthony, passe une bonne soirée les co-fans, bonne nuit les coups de fans, à bientôt. Allez. Ciao. Et puis bah, Manon, je te fais des gros bisous pareil. Hein. D'accord, bah des gros bisous, je peux faire une dédicace aussi? Allez, vas-y. Alors toi, par contre, c'est une seule personne, c'est la règle, hein, comme tout le monde. Hein. Ah d'accord, bon, ben moi, je fais une dédicace à Rémi. Un Rémi, très bien, parfait. Voilà. Ben, au moins les autres pourront dire à quelle salope elle m'a même pas si il fait une dédicace. Bon, salut Manon, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux, à bientôt. Ça marche. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, Alex, encore un truc à ajouter là ? Ah non, rien de spécial. Bon, bah, très bien. Bah, de quoi ? Une dédie ? Ah bah vas-y, il y a une seule personne, hein, comme oui. Tout le monde. Bah, je vais le dire en une fois, mais c'est pour plein de personnes. Ah, vas-y. C'est à tous les compagnons du devoir qui nous écoutent sur Fun Radio encore à 2h du mat. Très bien, bah merci Alex, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, bah j'hésiterai pas. Ah bah sans problème, t'es chez toi ici, il n'y a pas de problème. Salut Alex. Je vous appelle tous les soirs maintenant. Sans problème, tu reviens quand tu veux Alex, je te dis, il n'y a pas de problème. Salut Alex. Allez, salut. Allez, ciao. On appelle encore un petit vite fait à Marseille, dernier. Un petit dernier pour la route. Bon, allez, un petit dernier, puisque je vous rappelle que ils sont un peu emmerdés à Marseille, donc ils ont créé un truc là pour. Ils appellent Batman pour les aider à dégager la délinquance. La délinquance, voilà. Pour remettre de l'ordre dans la ville. Exactement. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. Direction Marseille. Merci hein, pour les numéros que vous avez envoyés là. Pour l'instant, on n'a fait aucune faute. Aucun échec grâce à vous. Bah sauf là, tu vas voir. Je savais qu'on n'aurait pas dû appeler, c'est le dernier qui va nous foutre la poisse. Ouais. Et bah voilà, dans le cul. Oui ? Ah. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle au sujet des problèmes de délinquance à Marseille. Oui, ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Bah attendez, je suis avec Batman. Enfin, il est un peu tard, il est 10h, merci, au revoir. Oui, mais attendez, je suis avec Batman. Ah bah oui, hein, mais oui, en plus, il est un peu tard. Bon, on rappelle. Allez hop, c'est reparti. Retour à Marseille. Il est un peu tard, genre, ça va. Il est presque tôt, là. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, j'étais au téléphone avec votre femme et elle m'a violemment raccroché au nez alors que je suis avec Batman. Avec Batman ? Non, Batman, monsieur. Oui, oui, d'accord. Oui. Voilà. Hein, parce qu'en fait, il veut vous aider à propos de la délinquance à Marseille. Eh ben, c'est très bien. Voilà, donc je vais vous le passer, vous allez lui expliquer ce qui se passe. Ah, mais il n'y a rien du tout qui se passe. Il n'y a pas de délinquance à Marseille, monsieur ? Non, non, non, il n'y a aucun souci à Marseille. Ah, tout va bien ? Oui, oui. Ah, parce qu'il y a des Marseillais qui l'avaient appelé pour qu'ils viennent intervenir, mais si vous me dites. Ah, non, non, non, mais il n'y a aucun souci. Ah, non, mais nous, on a Spider-Man à Marseille, quoi. Ah, bon, donc il n'y a pas besoin que Batman se déplace ? Non, pas besoin que Batman se déplace. Bah écoutez, je vous le passe, vous lui dites. Non, et puis... non, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si, si, si, si, parce qu'il veut l'entendre quand même de votre voix, monsieur, hein, donc je vous le passe. D'accord. Je suis Batman. Voilà, c'est bon, monsieur, vous avez pu lui dire que donc il ne devait pas intervenir ? Voilà, bah écoute, j'ai pas pu vraiment lui dire parce qu'il parlait pas beaucoup, mais bon, il a l'air d'être content, donc bah tant mieux pour lui. Bah écoutez, je souhaite une bonne soirée à Batman et puis voilà. Bah de même pour vous. Et je suis heureux que tout soit rentré dans l'ordre à Marseille. Bah voilà, bah y a pas de souci à Marseille, vous inquiétez pas pour nous. Bah on s'inquiète plus alors, monsieur. Merci, c'est très gentil. Une bonne soirée, une bonne nuit, monsieur. Eh ben voilà, ben comme ça au moins il n'y a pas de problème, hein. Tout va bien. On nous a menti depuis le début. Les salauds. Allez, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante là pour la télé, l'écran plat 40 pouces que je vous ai offert là. Enfin techniquement je vous l'ai pas encore offerte, mais je l'ai mise en jeu, on va dire. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Laura. Laura, très bien Laura. Ça va bien Laura, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, je vous écoutais jusqu'à maintenant. Oh, bah t'as vu un peu, là c'est là la là classe. Là. Et Laura, la bonne nouvelle, c'est que tu sais quoi tu repars là ? Bah ouais. Eh bah l'écran plat. Bravo Laura. Eh bah voilà, l'écran plat, il est pour toi. Eh bah voilà Laura, l'écran plat 40 pouces, full HD LED, il est pour toi, on va t'envoyer ça. Bon, on va se démerder pour t'envoyer, je sais pas comment on va faire, mais on va t'envoyer, hein, parce que c'est quand même un peu imposant quand même malgré tout. Hein. Il faut le savoir, il faut le savoir. Bon, eh bah écoute, bravo en tout cas Laura, là, t'es fan de la page depuis combien de temps ? Oh, un petit moment. Un petit moment, ben voilà, on l'aurait récompensé les fidèles. Depuis le début, quand vous étiez sur Énergie et tout. Eh ben écoute, très bien, ben voilà, content que tu sois venu avec nous jusque sur Fun Radio. T'as fait le bon choix, Laura. Ouais. Bon, ben je te fais des gros bisous et puis on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ta télé. Gros bisous, Laura, à bientôt. Bisous. Salut. Et allez, hop là. Oh, on est presque à l'heure, dis donc, t'es sérieux là ? Pas mal, pas mal. Il veut déborder, comment ça ? Attention. Générique de fin, on se retrouve évidemment dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. On sera là. Eh ouais, en pleine forme évidemment à partir de 20h. Et puis attention, générique de fin, c'est parti. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Tu prouves des bites à faire. Si c'est toi l'enculé. T'es un enculé. Encule ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'encule ton nom toute la journée. Pam pam pam pam pam. Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que t'as fâché ? Qu'est-ce qui... qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont canadiens. Ben oui. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Un peu sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Et toi t'as un oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Donc dimanche soir à partir de 20h sur Fun Radio. N'oubliez pas de prévenir vos potes, 20h, ouais. On sera là dimanche soir sans problème. Et puis on va remercier et saluer également tous ceux qui nous avaient envoyé un message ce soir, hein. Clara, Cécilia, j'ai pas eu le temps de lire tout le monde évidemment. DJ Kylian, Unreachable, Charles-Edouard, Thibaut, il y avait Gabriel, il y a Petit Panda également là, qui dit allez va pour les fraises. Alors moi j'étais parti sur le chocolat, mais je me serais fait jeter je pense. Non t'inquiète, on n'est pas mais comme ça, non. Petit Panda. On aurait mangé en disant on serait mis dans la gueule. Quentin également qui était là, il y avait Banana Nabi qui était aussi, Cathy, Léa, qui a d'autres aussi, Timothée, Vodka Red Bull qui était là également en disant on a qu'à vendre Polo et on garde le pipeau, pourquoi pas, ouais. Sport officiel, M1202, Charles-Edouard et puis les nouveaux aussi qui ont débarqué là, il y a quelques minutes là que je vais follower également ce soir là comme promis. Christopher, il y avait Max, il y avait Cathy, il y avait Bob l'éponge carré, il y a Anne Soso également, il y a Frédéric, Benoît, Cédric, Adrien, Oui, Mesut Ozil. Cool, hey, une star du foot qui est avec nous, c'est cool. Banana Nabi également, Camille, Manu, etc., etc. Bah merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. Et puis merci Alex également, hein, stagiaire qui a merci. Remplacé Sandro là. De rien, c'est un bon, plaisir. Qu'il a pas... Bravo, c'est-à-dire qu'on on a dû lui mettre des cure-dents dans les yeux pour qu'il reste debout parce qu'il avait du mal, le malheureux. Mais voilà, on se retrouve donc dimanche dès 20h. Et puis merci à Mélanie, l'auditrice qui est passée nous voir ce soir. Bravo. Ben, merci à et vous. Qui va repartir avec Polo. Hein. Et qui va, bah, voilà. Veut pas de moi. Je vais essayer de toucher la cuisse là en loose. Ça a pas marché. Merde, putain, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, allez, on se retrouve dimanche. Voilà, je vais y arriver dès 20h. Merci d'avoir été là toute cette semaine. Et prévenez vos potes, il se passe enfin quelque chose à la radio le soir, 23h, 2h sur Fun Radio. Ouais. Et le dimanche soir dès 20h. Ciao tout le monde et excellent week-end. Ciao. Fun Radio. Fun. Le son dance floor.